Bonus. Trax. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue dans Blind Test, une rubrique qui consiste à faire participer nos joueurs à une aventure dont l'univers ne leur a pas été présenté. Celui-ci pourrait être tiré d'un jeu de rôle, mais aussi d'une série télé, d'un roman ou de tout autre média porteur d'histoire ou d'aventure. Pour brouiller les pistes, le système de jeu sera éventuellement modifié. Bonne écoute! Bonjour, nouvel épisode sur la JDR Academy. Aujourd'hui, nous jouons un blind test. Je suis Alexis et j'ai le plaisir de continuer cette rubrique créée par Jordi. Pour ce blind test intitulé « Là-haut dans les étoiles », j'ai choisi un thème général sur lequel j'appliquerai le système de jeu Alien qui a légèrement été adapté afin de coller à l'univers dans lequel nous allons jouer. Nous allons appliquer la règle précédemment créée par Riley qui est qu'une fois par session, les joueurs ont le droit de tenter de deviner le jeu de rôle, l'univers de jeu, le film, la série, le livre, la chanson ou le jeu vidéo dans lequel nous jouons. Le joueur qui trouvera aura le droit de monter l'une des compétences de son choix de un cran. Mais si vous, chers auditeurs, vous parvenez à trouver la réponse avant les joueurs, n'hésitez pas à passer sur le Discord de la JDR Academy afin de nous dire à quel moment vous avez trouvé la réponse. Bien, sans plus attendre, voici les joueurs que nous avons autour de la table. Commençons par Jordi. Eh bien, bonsoir tout le monde. Moi, pour ce blind test, je vais jouer Norman Phillips. Je serai l'ingénieur de bord de notre vaisseau. Vaisseau qui sera nommé par notre capitaine. Et donc, pour présenter le capitaine, nous avons... Bonsoir, tout à fait, je suis le capitaine Jonah Willis III. Et ce soir, nous naviguons à bord du Vulcan, un fleuron de la marine spatiale. C'est mon vaisseau. Le petit cargo Vulcan a été affrété par Mélanir. Moi, Mélanir, j'incarnerai Christopher Lafourcade, dirigeant actuel des entreprises Lafourcade, société de transport à qui appartient donc le Vulcan, fleuron de notre flotte, pour une mission de transport qui nous mènera plein d'aventures. Et pour épauler et surtout tenir le moral au goût fixe de toute cette équipe, nous avons Yann. Bonsoir, moi je jouerai Darrell Andersen, du coup, qui est le médecin de bord, qui va prendre soin de tout le monde à bord et éviter que... Il ne meurt suite à des petites coupures. Bien, vous êtes donc au cœur de l'espace, en train de naviguer, avec ces longues journées routinières faites d'accélération et d'occasionnelles corrections de trajectoire. Votre trajet à travers le système vous a laissé le temps de tous apprendre à mieux vous connaître. Votre capitaine, sur le pont, est accompagné de son fidèle ingénieur de bord. Qu'est-ce que vous avez à dire l'un sur l'autre? Qu'est-ce qui vous lie? Peut-être, qu'est-ce que vous détestez l'un de l'autre? Moi, je suis avec un cigare. Et je suis en train de fumer au visage de l'ingénieur de bord, en lui demandant s'il a bien fait son travail. Alors Norman, comment ça se passe? Tout va bien? Tout va bien, aucune avarie n'est visible sur le depuis notre départ. Le vaisseau est en parfait état, évidemment. parfait. Parfait Norman, mon petit Norman. Vous faites du bon boulot, je suis fier de vous. Toujours, merci capitaine. Bon, je vais rentrer dans mes quartiers me reposer un petit peu. Oui, c'est sans doute mieux. C'est à ce moment-là, en sortant du poste de commandement, que tu croises mon supérieur, sortant de la coquerie. Ah, patron, monsieur Lafourcade. Non, ne m'appelez pas comme ça, voyons, Christopher, pas de manière entre nous. Ah, Christopher, très bien. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous apprendre que tout va bien sur le vaisseau. Le trajet se passe très bien. Super, on est dans les temps. Au niveau du trajet, tout est nickel, donc pas de soucis, aucune anomalie. On est dans les temps. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler... Mon cher Christopher, que mon père et mon grand-père n'ont jamais été en retard, donc c'est pas moi qui vais être en retard. Je serais bien la première fois. Comprenez que je suis un peu nerveux avec tout ce qui nous est arrivé dernièrement, là, et toutes ces rumeurs. Je préfère m'assurer, c'est un petit peu de stress. Mais tant mieux. Faut pas écouter les rumeurs, mon petit Lafourcade. Faut pas écouter les rumeurs. Bon, bah, je vais aller faire un tour sur le pont, alors voir si tout se passe bien là-bas et profiter un peu de l'étendue spatiale qui est devant nous. Très bien. Si vous me cherchez, je suis dans mes quartiers. Je me repose. Parfait, faites. Super, on se voit plus tard. À plus tard. Christopher Lafourcade rentre donc dans le poste de commande et se retrouve face à Norman Phillips qui scrute, bien entendu, ses écrans. Monsieur Phillips, tout se passe bien? Oui, toujours, monsieur Lafourcade. Tout est en ordre. Voyons, Christopher, vous savez bien, pas de monsieur et tout ça avec moi. On est en famille ici, hein, donc... Un certain respect, excusez-moi, Christopher. Ok, parfait, si tout va bien, je suppose que vous allez veiller au grain. Si ça vous dérange pas, je vais partager un peu de temps avec vous ici. Regardez l'immensité de l'espace, c'est toujours apaisant et j'ai besoin de calme justement pour l'instant. Bien sûr, le vaisseau est entre de bonnes mains, rassurez-vous. Il n'y a aucun souci, vous pouvez tout à fait vaquer à vos occupations et et regarder l'immensité de l'espace, pas de souci. Est-ce que tu te poses sur le poste du capitaine ou est-ce que tu vas prendre un poste au niveau des ops, un poste lambda sur lequel tu te fais attribuer tes commandes? Moi personnellement je me mets sur un poste lambda, je prends pas du tout la place du capitaine, je mets un poste d'observation et je me perds au loin. Très bien. Eh bien, tu n'auras pas à te perdre loin parce que il n'y a pas de vitre par laquelle vous pouvez regarder l'espace, seulement des écrans et des caméras haute résolution qui vous permettent de regarder à des milliers et milliers, voire des millions de kilomètres à la ronde. Tu peux faire de 360 autour de ton vaisseau. Ok, ben j'examine sur les écrans et pensif, je suis... voilà, j'essaye de... Je suis pensif face aux écrans, je regarde, j'analyse, sans analyser vraiment, quoi. Bien entendu. Monsieur Andersen, où êtes-vous à ce moment dans le vaisseau ? Eh bien, je suis en chemin vers le poste de commandement pour justement aller voir Monsieur Lafourcade. Ah, Christopher, voilà. Rappelez-moi, vous êtes bien disponible dans une heure pour faire votre check-up ? On ne sait jamais. Oui, bien sûr, oui. Excusez-moi, Monsieur Andersen. J'étais un peu perdu dans mes pensées. Oui, je suis bien disponible. Bien, parce qu'on n'est jamais trop prudent avec ce qui se passe aujourd'hui. Il vaut mieux s'assurer que tout le monde est en bonne santé. Oui, mais ça va très bien. Je suis juste un peu préoccupé, mais tout va bien. Je ne sens rien de particulier. Très bien. Bon, faites-moi savoir si jamais vous avez le moindre malaise ou tout autre symptôme qui pourrait vous gêner. Je vais aller voir sur les autres patients. Christopher, tu es le seul membre d'équipage qui n'est pas affecté à des cas. Comme tu sais, on se trouve sur un vaisseau et sur un vaisseau, il y a des quarts qui se font, où il y a les personnes qui sont à leur poste et les autres qui se reposent le plus souvent dans leur quartier ou vont manger. Aujourd'hui, c'était le capitaine, l'ingénieur de bord et le médecin qui étaient de quart et donc qui pouvaient vaquer et se trouver sur le poste des ops. Pendant que les autres, Kazay que tu avais recruté comme soldat, Izzy qui est la mécanicienne et qui donc n'est jamais de quart en même temps que l'ingénieur, et Nico Vélez qui est le pilote, sont en train de se reposer dans leur quartier. Et alors que vous vous rapprochez d'un amas de rochers flottants faisant partie d'une ceinture d'astéroïdes, c'est à peu près la moitié de votre quart et les scanners longue portée devant toi, Christopher, détectent un élément inhabituel qui vient briser la routine. Ça détecte une sorte de corps métallique dont la forme et la composition ne sont pas celles d'un astéroïde, ce qui est assez étonnant. En demandant au senseur des recherches approfondies, t'as l'impression que ça coule sur le corps d'un vaisseau. Il y a quelque chose qui peut te perturber parce que ce vaisseau n'émet aucun signal de transpondeur. Alors que tu sais très bien que dans l'espace, il faut que les vaisseaux s'identifient. Et donc c'est grâce au transpondeur, parce que s'il y a un problème, le transpondeur émet un SOS et les vaisseaux les plus proches sont obligés de venir leur porter secours. À la distance où vous êtes, soit un peu moins d'un million de kilomètres, tu réalises que les émissions d'énergie sont quasi nulles. Ce qui est assez bizarre, c'est peut-être lié au fait que son propulseur soit inactif. Et il semble bien probable que le réacteur qui fait fonctionner tout le vaisseau soit éteint. Ce que tu peux en juger, c'est qu'il a l'air à la dérive, tel un vaisseau fantôme flottant aux abords d'une ceinture d'astéroïdes. Ok, donc après avoir fait toutes les vérifications d'usage, j'appelle Norman. Monsieur Phillips, oui, puis-je vous demander de faire une seconde vérification au niveau des appareils? Je remarque une forme métallique. J'interprète ça comme un vaisseau, aucune émission d'énergie. Ça me semble un peu bizarre. Si vous pouviez faire une seconde vérification et éventuellement faire prévenir le capitaine Willis, au cas où vous confirmeriez mes observations. Très bien. Écoute, je me dirige vers une des consoles de bord, je relance un scan ou enfin outil qui me permette effectivement de vérifier ça, ou lancer un drone, ou j'en sais rien. On parle de quelle distance, là ? Un million de kilomètres. C'est assez faible. Vous êtes à peu près un tiers de G, le temps de décélérer, vous serez dessus en moins d'une heure. Donc je lance ces manœuvres-là, et j'en ai pour combien de temps avant de pouvoir confirmer ou infirmer les soupçons de Monsieur Lafourcade ? Ah, t'es très très rapide, arrive à voir les mêmes choses à peu près. Là, donc si... j'attends d'avoir fini de vérifier, et si je confirme, j'appelle le capitaine à ce moment-là. T'es quasi sûr que c'est un vaisseau complètement éteint, à la dérive. T'es incapable pour l'instant de connaître la longueur du vaisseau, même si tu pointes les caméras, pour l'instant il fait un peu sombre, et t'as pas le reflet du soleil qui te permet de déterminer la longueur ou un quelque élément d'identification par rapport à sa provenance. Le capitaine Willis s'est demandé sur le pont, s'il vous plaît, le capitaine Willis. C'est dur. Capitaine, tu as ton agent. Ton agent, c'est une sorte de téléphone, comme tu peux avoir un smartphone. Sauf que, en fait, c'est une plaque de plexiglas sur laquelle tout s'affiche de manière holographique et tu peux prendre ce que tu as sur ton téléphone et directement le balancer sur un des écrans, si tu le souhaites. Ok, je suis sous la douche dans ma cabine. Rapidement, j'enfile un caleçon et j'allume l'agent. Oui. Oui, venez sur le pont, s'il vous plaît. Nous avons quelque chose à vous montrer. C'est important. J'arrive, oui. J'arrive tout de suite. Je me rhabille, je tousse encore. Et je rejoins rapidement le pont. Monsieur Andersen, où étais-tu à ce moment-là? Est-ce que tu étais reparti dans tes quartiers à l'infirmerie ou est-ce que tu étais resté sur le pont des Ops? J'étais en train de partir. Quand j'ai entendu un peu l'agitation, du coup, je suis retourné sur mes pas. Que fais-tu au moment où le capitaine va rentrer en trombe dans la pièce? Rien de particulier, j'attends de voir, parce que ce qui concerne la chaîne de décision, je n'ai pas vraiment mon mot à dire, tant que ça ne relève pas de la santé médicale de chacun. J'observe plutôt que j'agis. Bien, capitaine, vous débarquez sur le pont. Je débarque, j'ai pas mon uniforme bien remis, je me suis habillé un peu à l'arrache. Oui, Philips, qu'est-ce qui se passe? Je vous écoute. Bien, regardez ça, capitaine, nous avons un... détecter une présence, grâce à Monsieur Lacoff-Lafourcade, hein, je dois le dire, détecter la présence d'un... ce qui semble être un vaisseau. Et un signe de... Il n'y a pas de signal, il n'y avait pas de signal, justement. Aucun signal? Non. Petit Christopher. Oui. C'est sur notre trajet, est-ce que vous voulez qu'on aille voir ça plus près ou on continue notre route? Alors, il faut vous faire un léger quart de trajet, effectivement, c'est quelque chose que je n'ai pas précisé. Ah oui, on fait un petit détour. On va décélérer pour y aller. Mm-hmm. Est-ce que vous voulez que j'aille réveiller le reste de l'équipage, capitaine? Non, laissez-les dormir, on est encore loin du vaisseau? En calculant les bons vecteurs d'approche et en décélérant, vous êtes à un peu moins d'une heure. Capitaine, quel serait le temps perdu estimatif si nous faisions ce détour pour pouvoir analyser un peu plus en profondeur cet objet? Philips, question? Eh bien, assez peu de temps, ma foi. Bon, tu peux tenter un... Un petit jet? Ouais, un petit test de Comtech. Ça sera le premier jet de la soirée. Tout à fait. Alors, mince. Excusez-moi, c'est... Il n'y a pas eu la mise à jour. Hop. Eh bien, ma foi, 3 succès, si je lis correctement la... Ça fait 3 succès sur 7. Tu arrives à calculer le vecteur d'approche. Effectivement, il faudra retourner le vaisseau. Votre vaisseau a la particularité de... Ce sont des sortes de bâtiments, de buildings qui sont construits sur lesquels on met un réacteur. Ce qui fait que quand vous avancez sous l'effet de la poussée, vous êtes dans un... Comment dire... Vos jets vous permettent de vous maintenir au sol. Et donc, pour pouvoir décélérer, il faut renverser le vaisseau et freiner avec le réacteur. C'est une manœuvre qu'on fait régulièrement, qu'on sait faire. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. De toute façon, quand vous partez d'un point A à un point B, vous accélérez. C'est comme ça. Milieu de parcours, vous vous retournez et vous décélérez. Ok. Trouve un vecteur d'approche. Là, le seul truc, c'est qu'il faut vérifier que tous les membres d'équipage, même ceux qui sont dans leur quartier, puissent se mettre sur leur siège anti-crash. Juste le temps de faire la manœuvre qui se fait aux alentours de 2-3G. Ok, bon, bah alors j'annonce, je prends la décision et je dis on s'arrête. Et je réveille tout le vaisseau. Ici le capitaine, tous sur le pont. Préparez-vous à arrimer ou à vous arrêter. Ça vous va, la Focarde, Christopher? Parfait, je vous fais confiance là-dessus. Faisons un examen, mais si cela devrait prendre plus de temps, on peut pas se permettre d'être en retard. La cargaison est trop importante et voilà, donc on observe et on avise après. Vous savez, mon grand-père et mon père n'ont jamais été en retard, c'est pas moi qui vais commencer à être en retard, vous inquiétez pas. Oui, tu dois peut-être ça à ton pilote qui mettra moins de 30 secondes à rejoindre le pont des Ops et qui escaladera l'échelle qui est située juste en dessus du pont des Ops pour se glisser dans son siège. Commencer à prendre les vecteurs d'approche qui ont été calculés par l'ingénieur de bord et demander les vérifications de voir si tout le monde était bien dans son siège anti-crash. Sur ton ordinateur, capitaine, tu pourras t'apercevoir que Izzy, la mécanicienne, répondra favorablement. Tu vois que la réponse vient d'à côté de la salle des réacteurs, au niveau de l'atelier. Okay. C'est là où, en général, elle est. Si jamais il y a des réparations à faire, c'est l'endroit où elle est le plus proche. Kazet, celui qui vous sert de gros bras dans les temps durs, viendra se sangler à côté de toi et te fera un signe de tête. Et tout le monde pourra appuyer, lorsque vous serez prêt, sur le bouton de confirmation, comme quoi vous êtes bien sanglé dans vos sièges anti-crash. Ok. Moi, je demande à tout le monde de me dire check quand tout est bon. Anderson, check. Lafourcade, check. Philips, check. Moon, check. Katri, check. Vélez, check. Tu vois qu'à partir du moment où il y a le Vélez check qui s'enclenche, vos sièges basculent, vous étiez assis droit, vous vous retrouvez couché, vous avez des aiguilles qui se plantent à plusieurs de vos endroits, notamment au niveau des jambes et derrière la nuque. Vous avez le jus, un élément caractéristique qui vous permet d'encaisser les jets rapidement, qui s'imprègne dans votre corps et qui vous permet de supporter justement un renversement et une prise soudaine de jets qui commence à intégrer vos corps. Vous avez des légers tremblements. Et très très rapidement, vous allez avoir le vaisseau qui va basculer. C'est soudain, ça peut pour certains vous mettre le haut le cœur si vous n'avez pas l'habitude. Les aiguilles vont s'enlever et le siège va doucement se relever. Vous êtes quand même sous une pression intense, hein, vous êtes sur du 1G. Ça peut être pour certains, notamment les personnes qui vivent dans l'espace, une sensation peu agréable. Parce qu'effectivement, votre corps s'est habitué à vivre à moins d'un G, et donc vos corps se sont plus ou moins allongés, et subir un effet de potentiellement deux fois la gravité que vous avez habituellement vous donne peut-être un peu mal aux rotules ou aux articulations. N'est pas agréable. Une fois le renversement effectué, moi de mon côté, je laisse de mon siège et je commence à examiner tout le monde histoire de voir si justement ils n'ont pas eu d'effets secondaires, si tout va bien. C'est jamais agréable une prise de jus. Tu reçois une confirmation de Vélez qui te dit arrivée prévue dans 49 minutes, capitaine. Décélération constante. Je vous ferai un signe lorsque nous serons quasiment arrivés. Bon bah tout le monde au rapport. Hein. Tout va bien. Et écoutez, Anderson. Oui. Tout va bien. Tout a l'air d'aller bien, l'équipage. Tout le monde va bien ? Réagit correctement. Je contacte Moon dans sa salle. Capitaine ? Tout va bien ? Vous avez encaissé le... Bien sûr. Au niveau du réacteur, tout se porte bien. J'avais un peu peur. Vous savez, on a quand même un vieux cargo. Je pense qu'on devra faire des réparations à notre prochain arrêt. Très bien. Mais vous allez bien ? Je parlais de vous. Oui, bien sûr, capitaine. Parfait. Parfait, on arrive dans 49 minutes. Si t'as branché la vidéo, tu vois qu'elle te regarde avec un léger sourire en coin. Très bien. Ben j'éteins l'écran. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner voir les caméras de surveillance externes pour essayer d'avoir toujours l'objet en visuel, pour essayer de deviner au fur et à mesure qu'on s'approche sa forme et ainsi de suite. Simplement en observation, j'interfère pas dans les manœuvres, rien du tout. Tu as choisi le bon terme parce que tu vas faire le deuxième jet de la soirée qui se genre à un jet d'observation. Pendant ce temps-là, moi, de mon côté, je vais checker mon matériel médical. Peut-être qu'il y aura des gens qui auront besoin de premiers soins. Tu veux dire, tu prépares une trousse d'intervention d'urgence ? Ouais. Christopher, en utilisant les caméras, tu arrives à distinguer un vaisseau qui est à peine plus grand qu'un... Je ne saurais dire si c'est la catégorie canot, chaloupe. T'es presque sûr qu'il s'agit peut-être d'un petit cargo modifié. Et tu saurais dire s'il a entre 20 et 50 mètres de long pour l'instant. C'est quelque chose que t'apprendras plus tard. Par contre, tu vois bien avec les caméras qu'il possède un cône de propulsion Einstein. C'est un peu tous les tous les cônes de propulsion que vous avez qui peuvent vous propulser à plusieurs G. Certains pouvant vous faire atteindre 8 ou 9 G. Dans ce cas, il vous faut une bonne réserve de jus et ne pas voler trop longtemps parce que si vous avez encore faible, vous décéderez. Ta caméra repère quelque chose d'assez incongru, ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Tu vois une sorte de lance-torpille et effectivement les canons de défense rapprochés qui ornent quasiment toi aussi tous tes vaisseaux. Les canons de défense rapprochés, ce sont des petites tourelles que vous pouvez sortir qui vous permettent de balancer des munitions tungstène qui peuvent détruire toute torpille arrivant sur vous et qui ont un angle de vue à 180 degrés. Donc idéal pour protéger les vaisseaux, d'où le nom canon de défense rapproché. Il t'en charge les canons ? Il y a quelqu'un qui est... En général, ouais, c'est le soldat qui fait office d'artilleur. Ok. Je lui dis de se tenir prêt. On sait jamais. On a des genres de drones ou des trucs qu'on peut lancer en avance pour, tu vois, pour rejoindre le truc, filmer, sonder un petit peu le bordel avant qu'on arrive. Vous avez même, des sortes de drones, mais ça ne vogue pas à la vitesse à laquelle vous volez, quoi. C'est plutôt quand vous êtes proche. Ouais, faudrait qu'on soit vous proche. Vous déployez, ouais. Vous en avez un qui vous sert à la réparation. En plus, vous n'êtes pas du tout un bâtiment militaire. Et en général, il y a une particularité peut-être qui... Justement, capitaine, je vais vous laisser faire un jet de commandement. Quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui vous titille dans le fait que Monsieur Lafourcade vous remonte qu'il y ait des canons de défense rapprochés. Ok. Un succès. Tu as peut-être eu une carrière militaire avant ou peut-être pas, mais ce que tu sais, c'est que pour toi, les personnes qui ont des canons de défense rapprochés, c'est soit des vaisseaux militaires, soit des vaisseaux de cargo qui transportent des marchandises de très grande valeur. Ah. Et on a besoin de faire des réparations, c'est peut-être intéressant. Alors, je dirais, c'est soit un vaisseau militaire, soit ça peut être une entreprise, enfin un vaisseau de sécurité qui peut être chargé d'escorte, soit tout simplement ça peut aussi être des pirates, parce que bien entendu les pirates ils s'attaquent, mais ils s'attaquent aussi à tout type de prise. Donc ils feraient semblant d'être inactifs. Et justement, qu'est-ce qui pourrait expliquer le transpondeur le transpondeur silencieux, ça pourrait être une panne, ça pourrait expliquer ça quand même, ou c'est assez inhabituel, enfin je sais pas, ou des pirates justement, ou Attends, piège des pirates, oui. C'est assez connu comme piège. Bah, les pirates, est-ce qu'au contraire, ils mettraient pas genre on est en danger et t'arrives et boum, t'exploses. Parce que là, il faut qu'on tombe dessus, c'est pas un piège. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ils nous ont pas attirés, on est tombé dessus complètement par hasard. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, Philips. Bah, lancez un scanner pour voir s'il y a de la vie intérieure et sinon, on se prépare à aborder. Avec vos senseurs, Philips, je te laisse faire un petit jet de Comtech. Je suppose que c'est toi, ingénieur de bord, qui va activer les senseurs. Bah, il lance 7D, alors oui. J'ai envie de dire. Deck encore, hein. Pendant ce temps, Mr. Anderson, t'as des trousses de soins qui sont faites, t'as même des sacs d'intervention d'urgence. T'en as qui sont faits pour les sorties dans le vide et certains qui sont faits pour les petits bobos intérieurs. Laquelle tu prends ? Étant donné que le réacteur est éteint, je dirais quand même. Il serait peut-être pas à l'abri d'avoir évacué l'horaire, d'avoir fait une dépressurisation. Je prenne celle sous vide. Enfin, celle qui est faite pour intervenir dans le vide de l'espace. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Philips, vous vous rendez compte que le vaisseau n'émet aucune chaleur. Il peut pas pousser son jet, comme dans Alien ? Ah si, bien sûr. J'ai oublié de le dire, effectivement. Mais quel est le coût ? Alors, concernant le stress, tant que vous êtes dans votre vaisseau, que vous faites des manœuvres, on va dire, classiques, comme toi, jouer avec les senseurs, le pilote piloté, vous pouvez relancer. Si vous obtenez un 1, pour moi, vous ne générez pas de stress parce que c'est des choses qui sont habituelles. Toutefois, quand vous partez en exploration, que vous vous retrouvez devant quelque chose d'inconnu qui peut, comme nous dans la vie, générer du stress, c'est à ce moment-là qu'on incrémentera le stress. C'est pour ça que je disais qu'on a une légère modification du système actuel. Ouais. Donc il a pas stress là. Et donc là, c'est une situation stressante ou pas là ? Non, non, t'es, par contre, t'es un peu agacé. Pour le ouais. Les mises à jour. Eh bien, écoute, je vais relancer si tu... Ah, excusez-moi, Capitaine, il a fallu que je fasse une petite mise à jour sur le programme. Et effectivement, il me faut peut-être une minute ou deux de plus pour obtenir le résultat. De toute façon, vous aviez 49 minutes pour entamer la décélération, donc voilà, ça, oui. Tu peux prendre le temps que tu veux. Dans Alien, dès que vous obtenez, comme dans plusieurs jeux, avec la base de D6, dès que vous obtenez un succès, c'est une réussite automatique. Tes senseurs, tu t'aperçois que le vaisseau n'émet aucune chaleur. Et tous les scans énergétiques que tu vas mettre en place te rendront le constat suivant, le réacteur est coupé. Le vaisseau à la dérive, très bien. Donc c'est étrange, aucune chaleur et tout semble coupé dans le vaisseau. C'est bien fait, donc c'est vide. Et peut-être ça vaut le coup d'aller voir donc. Et c'est vide de toute chaleur, capitaine. Oui, donc il y a personne à l'intérieur, tout le monde est mort. Il n'y a pas de chaleur. J'ai bien compris, oui, mon petit Philips. Il veut pas forcément dire que c'est vide, capitaine. Il peut avoir une entité qui n'émet pas de chaleur. Une entité, c'est-à-dire les extraterrestres. L'univers est vaste, capitaine. D'ailleurs, qu'en est-il un petit peu de notre de connaissance de l'univers, justement. Eh bien, vous évoluez dans le système solaire. D'accord, non. Bon, pas d'extraterrestres connus, pas de rencontres. Non. Vous avez plusieurs stations spatiales qui sont présentes dans l'univers, enfin dans le système solaire, notamment dans des points d'orbite stables. Plusieurs sont aux alentours de Jupiter, parce que comme vous le savez, il y a une belle ceinture d'astéroïdes qui était très bien, très exploitable pour tout ce qui est minéraux qui servent à fabriquer des vaisseaux ou à améliorer la vie des gens partout. Et vous avez seulement deux planètes vivables, Mars et la Terre. Ah oui, donc... Donc arrêtez vos conneries, Philips. Alors moi, il peut avoir raison sur un point, sans parler de forme de vie sentiente extraterrestre. Il y a des robots. Il peut y avoir peut-être des droïdes qui sont encore en état de marche. Enfin, des droïdes, des drones. Voilà, que sais-je. Des drones ou des droïdes. D'accord. Merci, Anderson. Philips et Anderson, vous passez devant, alors, pour l'abordage, vous vous préparez. Là, tu commences à voir Anderson qui est en train de... Et Katri, tu iras avec eux, d'accord ? Capitaine, mais est-ce que vous pensez qu'il est judicieux de faire passer le médecin devant ? Non, mais il passera pas devant. Il passe au cas où Philippe et Catherine ont un problème. Et s'il y a des vies pour constater que tout le monde est mort à l'intérieur. Ou s'il n'y a pas un virus quelconque, je ne sais pas, Anderson, c'est vous le médecin, vous trouverez. Oui, tout à fait. Mais vous avez parfaitement raison. Si vous avez pertinemment que je déteste sortir du vaisseau. Mais oui. Il faut prendre son courage à deux mains et y aller. Vous allez réussir, Anderson, je m'inquiète pas pour ça. À vos ordres, capitaine. Philips, vous prenez vos scanners, vos senseurs, vos radars, tout le bazar et vous y allez. Bien sûr. Tu as Vélez qui descend, capitaine, et qui me dit, capitaine, je peux vous parler légèrement en privé, s'il vous plaît. Et qui dit ça ? Le pilote. Il a crevé. Très bien. Comment le capitaine traite ses enfants, très bien. Je repousse, je me mets avec Vélez et dis, oui, moi, petit Nico, je vous écoute. Qu'est-ce que vous comptez faire de ce vaisseau? Le vaisseau, Vous savez très bien, un vaisseau comme ça, tout ce que j'ai pu voir par les relevés, un vaisseau de type militaire, ça peut se revendre cher. Ou alors, si on a un campement dans la flotte, il faut voir la soute qu'il a, mais s'il a une soute à peu près équivalente au cargo que l'on a, on pourra mieux se protéger des pirates. Je comprends, oui. Et vous pensez qu'on peut le tracter avec notre vaisseau? Avec le Vulcan? C'est le quatrième, mais... Je pense, capitaine, il touche bientôt à la fin. On peut avoir deux manières, soit on scelle les vaisseaux entre eux et on fait une poussée commune, mais dans ce cas, il faudra qu'on soit deux au poste de pilotage, et je viens vous voir parce que vous êtes la seule autre personne à savoir bien piloter ici. Avant d'être capitaine, vous aviez une belle carrière de pilote, si je ne m'abuse. C'est vrai, mon petit Nico, c'est vrai. Du coup, si jamais... peut prendre possession de ce vaisseau, est-ce que vous pensez qu'il serait pas judicieux que vous preniez si je ne me souviens plus exactement de vos états de service, on en avait parlé, mais moi je n'ai pas servi sur un bâtiment militaire, par contre j'ai l'impression que vous avez un petit passif. Bien sûr, j'ai servi sur le Vulcan 1, Vulcan 2 et le Vulcan 3. Trois grands vaisseaux, le vaisseau de mon grand-père et de mon père. Et le Vulcan 3, bon bah j'ai eu un accident, c'est ce qui m'a coûté ma place. Navré de la prendre, capitaine. je tousse et je lui crache un petit peu dessus. Désolé, oh pardon. Très bien, je vais aller moi-même voir le poste de pilotage. Effectivement, si le vaisseau est en état de marche, pourquoi pas le récupérer. En effet, c'est une très bonne idée, mon petit Vélez. De rien. Il retourne à son poste de pilotage. Attendez, Vélez, une dernière chose. Et si, parce que moi je suis capable de piloter le Vulcan, bien sûr. Et si c'est vous qui alliez en face? Pourquoi pas, mais capitaine, la personne qui revendique et s'assoit au poste de pilotage est la personne qui revendique la propriété du vaisseau. Si moi j'y vais, ça sera mon vaisseau. On la joue comme ça, mon petit Nico. D'accord, j'aime... Non, vous connaissez les lois, les lois d'espace qui sont passées. Je viens vous voir et vous avertir, enfin... vous savez, vous êtes le capitaine et je vous suivrai jusqu'au bout. Je m'approche de Nico Vélez, je lui mets une main sur l'épaule et... Je suis fier de toi, mon petit Nico. D'ailleurs, je vais arrêter de t'appeler petit, parce que t'as bien mûri. Oui, d'ailleurs, tu l'appelles petit, mais c'est peut-être l'une des personnes les plus grandes. Nico fait entre 2m10 et 2m30, tu ne saurais pas le savoir. Il a un corps qui est quand même très allongé, comme toutes les personnes qui sont nées dans l'espace, en fait. Ah. Et il n'a jamais posé son pied dans un puits de gravité. Ses doigts sont peut-être un peu plus grands que les tiens, sa tête un peu plus allongée. D'ailleurs, ça lui donne j'appelle tout le monde petit. Aérien. Je l'appelle quand même petit, mais là, je l'appellerai plus petit. Très bien, je vais me préparer pour aborder. Tu vois qui te dit ça. Est-ce qu'au niveau des examens visuels, au fur et à mesure qu'on se rapproche, je suis dans la capacité d'identifier un marquage d'une corporation, d'une entreprise quelconque, ou éventuellement des dégâts en coque qui serait observable. Je vais prendre le résultat de ton ancien test d'observation, hein, parce que je suppose que tu es resté concentré sur les écrans. Tu verras ça qu'à partir du moment où tu seras à moins de 10 minutes de décélération et que Nico commencera à enclencher les stabilisateurs pour se mettre à peu près à la même vitesse de dérive du vaisseau et vous positionner quasiment en face. Pendant toute la manœuvre, tu verras qu'il n'y a ni nom, ni matriculation, ni marquage sur la côte. Ce qui te semble assez bizarre parce que normalement, les vaisseaux, quand ils sont créés, ils sont enregistrés quelque part et tu sais de quels chantiers spatiaux, comme par exemple Pallas, ou s'ils sortent de la Terre, ou s'ils sortent de Mars. Il y a vraiment une identification qui est faite, et il y a le nom du vaisseau qui apparaît dessus. Sans parler d'identification au niveau de la construction, ça nous semble quand même familier T'as l'impression que ça a été bâti dans la ceinture d'astéroïdes, que vraiment ça vient de ce type de chantiers spatiaux-là. D'accord. Les vaisseaux martiens sont imposants, ont des lignes rouges tracées sur leur corps, tandis que les vaisseaux terriens sont immenses, ils ont une touche de gris en fait, ça correspond un peu à du métal qui sort de terre. Là t'as l'impression que c'est quelque chose qui a été arrangé, mais arrangé par les habitants des stations spatiales. Je suppose qu'on est tous au courant de la situation entre guillemets politique de l'espace. Est-ce que la Terre, Mars, les stations spatiales, tout ça, c'est la bonne entente? Il faut considérer ça comme des pays gérés tout à fait indépendamment les uns des autres, et ainsi de suite. Tu poses la question. À un moment de la conquête spatiale, tout le monde partait de la Terre. La première planète qui a été colonisée, c'était Mars, et il a fallu la terraformer. Elle est en cours de terraformation, mais la terraformation a pris du temps, parce que Mars avait décidé, il y a un bon bout de temps déjà, de déclarer son indépendance. Donc ils ont construit une flotte de guerre, et il y a un peu une guerre froide entre la Terre et Mars. Cependant, Les habitants qui trinquent sont souvent les habitants des stations spatiales, qui eux sont obligés de miner et du coup sont contraints par les grandes puissances de ce monde à cracher des minerais et des cargaisons contre un peu d'air, un peu d'eau qui leur permet de survivre au cœur du vide. Ok, donc il y a deux géants et les autres se débrouillent. C'est ça. Par contre, l'absence d'immatriculation que t'aurais, ça te ferait penser au fait que ça serait peut-être soit un vaisseau pirate, soit un vaisseau de contrebandier. Ah. C'est comme ça que les habitants des stations spatiales survivent en faisant de la contrebande pour ne pas subir les taxes et les contrôles réalisés par les grandes puissances. Ok. Bon, On attend la fin de la manœuvre, je suppose. Bah ouais, on aborde hein, dès que possible. Plus vous vous rapprochez, plus en fait la gravité dans votre vaisseau s'abaisse, puisque vous avez de moins en moins de poussée. Et au moment où vous êtes quasiment sur le même vecteur de déplacement, vous êtes en apesanteur. À ce moment-là, soit vous êtes sanglé dans vos sièges, soit vous commencez à légèrement vous envoler. Vous êtes tous équipés de bottes magnétiques, c'est-à-dire que quand vous les activez, ça vous permet, tout en étant en phase d'apesanteur, de marcher. Très pratique lorsque vous déplacez sur une coque extérieure de vaisseau. À l'intérieur, votre vaisseau est complètement équipé pour que vous puissiez vous balancer en apesanteur par différentes prises. Chose que vous avez quasiment tous l'habitude de faire. Perso, je suis sanglé à mon siège, toujours devant les écrans d'observation. Au moment où vous êtes quasiment sur le même vecteur, Peter Willis, tu as Nico qui te dit « Boss Mag, on est au coude à coude. » Parfait. Préparez-vous à aborder. Mettez vos combinaisons. Dans votre vaisseau, vous avez un sas qui permet d'accéder à l'extérieur dans lequel vous avez vos combinaisons. Parfait, donc Philips, moi, Andersen et Katri, on y va. La fourcade, Christopher, vous voulez venir ? Bah écoutez, ça voudrait dire que plus personne ne reste sur le pont. Ah oui, c'est peut-être pas dangereux. Si ça vous dérange pas, je vais vous observer au cas où. Très bien. Je vous rejoindrai si nécessaire. Vous savez utiliser la console pour nous repérer ? Oui, pas de soucis. C'est le pilote qui te hèle, Christopher, qui te fait « Hey, je reste sur le pont. Transférez-moi toutes les commandes des senseurs. Je vais pouvoir rester actif. N'oubliez pas qu'il reste encore Easy en bas. Hein. » Monsieur Lafourcade, nous allons peut-être faire une découverte incroyable. Votre nom n'y figurera pas si vous restez sur ce vaisseau. Vous avez raison. Et puis, à vivre sans péril, on triomphe sans gloire. Vous avez déjà fait des sorties dans l'espace, Christopher ? Oui, pas de soucis. Très bien. Donc, parfait. Ben, on met nos combinaisons, on se prépare à... Vous rentrez, vous utilisez vos combis, des combis V, elles sont équipées de réacteurs dorsaux qui permettent de passer d'un vaisseau à l'autre sans problème. Par contre, il faut bien calculer le vecteur par lequel vous allez sauter. Ben, c'est Norman qui passe devant et puis qui nous dit quand on saute. Et on a tout un protocole, j'imagine, déjà en place pour ouvrir le vaisseau en face, quoi. Soit avec des chalumeaux, soit avec une porte. Norman, comment comptes-tu t'y prendre pour ouvrir le sas d'en face ? Eh bien, comme d'habitude. La routine. Comme le suggérait le capitaine, tu as deux façons de faire. La façon complètement bourrine qui te obligera toi et Easy à faire des réparations plus tard, qui est d'y aller au chalumeau. Et la deuxième façon qui est de pirater l'interface pour pouvoir être reconnu par le vaisseau et donc accéder au sas. On va plutôt tenter cette deuxième option, au moins dans un premier temps. On verra si on bascule sur le plan B ensuite, quoi. Avant de partir, de faire le grand saut sur notre vaisseau, de quoi vous équipez-vous ? Ouais, on prend tous des armes, déjà. On prend tous un fusil ou un pistolet. Ouais, moi j'ai mon pistolet, quoi. On a des armes classiques, entre guillemets. Des armes un peu contemporaines. Vous avez tous un pistolet de base, de dotation, sauf Katri, à qui on a refilé un gros fusil. D'accord. Andersen, vous avez votre équipement ? Affirmatif, capitaine. Vous pouvez, s'il y a un virus ou quelque chose, vous pouvez le détecter. Je peux détecter, je peux, on va dire, traiter pour contenir le temps de pouvoir être à bord de notre vaisseau, du Vulcan. Donc, Moi, j'ai des, une console et des outils, peut-être, un truc comme ça, quoi, matériel de base d'ingénieur. Tu peux peut-être prendre une trousse à outils aussi, si tu veux. Voilà, c'est ça que je pensais, ouais. Très bien. De toute façon, moi j'ai aidé simplement à porter le matos s'il y a besoin du matos médical ou du matos d'ingénieur, de mécano ou quoi en plus à prendre. Moi je le porte sans problème quoi, mais j'ai pas d'équipement spécifique à titrer à part mon pistolet quoi. Un travail indispensable, monsieur Lafourcade. Moi je prends des rations militaires. Un vieux stock que j'avais mis dans ma cabine. C'est un peu moisi, mais on sait jamais. Toujours aussi utile le capitaine et le cadre, je glisse ça à Andersen très bas. Ça fait toujours des personnes en plus pour. Manœuvre KO, si jamais. Pardon. Ouais. Et n'oubliez pas que le capitaine nous a toujours mené à bon port. Ouais, ça fait longtemps que je suis pas sorti, moi. Ça va faire plaisir. Bon. Ouais. On est tous prêts, on y va ? Comme vous le souhaitez. Je hoche la tête avec un petit clin d'œil à Andersen et je hausse les épaules, je prends le matos et puis on y va. Ok, Norman, à votre signal. Vous êtes tous connectés par un canal radio entre le vaisseau et vos combinaisons. Vous êtes à proximité du réseau du vaisseau, donc tout passe. Que vous ouvrez le sas, Nico vous a placé pile en face de l'autre sas. Vous avez un peu moins d'une trentaine de mètres à sauter dans le vide. Eh ben, go, go, go! Moi, je reste un petit peu dans le sas. Je suis pas très à l'aise. Ok, j'attrape Andersen par les épaules et je le mets devant moi. Allez, d'abord Philips, ensuite vous. Ensuite, Christopher, et puis je fermerai la marche. Ok. Et c'est pas censé y avoir un PNJ avec nous? Castri devant, évidemment, pardon. Le soldat Castri, en train. C'est qui lui? C'est le soldat. C'est le soldat. Toi, Norman, tu ouvres en face et Castri, c'est le premier qui entre à l'intérieur du vaisseau. Ça marche. Tu vois qu'il te regarde, Castri, il lève le poing. Une réponse qui veut dire oui chez lui. Très bien, je lui lève le poing aussi. Avec le doigt dressé. Ah non, pardon. Je fais un cœur avec les doigts. Castri, toujours dans le cœur. Il te regarde et c'est le premier à sauter. Tu le vois, il commence à prendre son élan avec donc ses bottes magnétiques. Tu le vois bouger lentement, et à un moment, il s'élance dans le vide. Tu vois qu'il se jette doucement. Il fait une légère orientation en se redressant avec les réacteurs et se pose à côté du sas. Tu vois qu'il te regarde, il te refait un signe de main. Parfait, je confirme. Et à vous, Philips. Ouais, je suis parti. Parfait. Andersen, vous êtes prêt? Allez, un peu de courage. Quand faut y aller. Et je le pousse. Je le pousse, t'es sûr? Ah non, bon, non. Enfin, je arrive dans la mauvaise direction. Non, je me dirige tout seul quand même. Je sais faire, mais je suis vraiment pas très très à l'aise. Donc... Voilà, j'insiste, ouais. Je pousse dans le dos, quoi, mais je fais pas une grosse poussée. Quoi. J'accompagne le déplacement. Ok, ben, je suis direct après. J'ai pas trop d'hésitation. C'est... Okay. Pendant ce temps, Philips, t'es autour du sas, tu vois une sorte de console sur laquelle tu peux essayer de rentrer. Tu vas me faire un jet de Comtech et me dire à peu près comment tu souhaites t'y prendre pour pouvoir rentrer au niveau du vaisseau. On va connecter à la console pour essayer d'ouvrir ça, quoi. Je te laisse faire un jet de Comtech. J'imagine. Hop. Monsieur Lafourcade, vous posez comme il faut, suivi du capitaine Willis qui atterrit fièrement... Et fait peut-être une belle pose héroïque pour avoir réussi son petit saut en apesanteur. Parfait. Tout va bien, Philips? Vous ouvrez la porte? Il n'y a rien qui répond. Il va me falloir un petit peu de temps, capitaine. Bon, activez, Philips. On est dans l'espace, là. Justement, ce n'est pas une simple porte avec une poignée. Est-ce que tu choisis de forcer ton jet? Je vais choisir de forcer mon jet. Très bien. Tu commences à être dans une situation un peu stressante. Ouais. T'es dans l'espace, t'as pas forcément l'habitude de faire ça, t'aimes bien être peut-être bien à l'abri à l'intérieur de ton vaisseau, là. Tu as 4 personnes qui te regardent. Et puis ça a l'air un tout petit peu dangereux, quand même. Oui, Andersen qui se... Enfin, Darrell qui... Je m'accroupis, en fait, sur la coque du vaisseau, comme si je cherchais à avoir des prises de partout, en fait, pour rester bien accroché au vaisseau, en attendant que Norman le... Bon, j'insiste, je prends un peu plus de temps pour être sûr de ce que je fais. Et je finis par effectivement arriver à ouvrir le... Enfin, je pense, MJ. Ça passe. On sent mal. T'arrives à ouvrir les portes. Et à ce moment-là, Willis, t'aperçois aussi, t'as Catherine qui te fait un passement de main au niveau de sa gorge. Ah, il n'y a pas d'oxygène. Ah, effectivement, les réserves d'oxygène sont basses, où il a une sorte de problème d'alimentation. Et il met son casque contre le tien. Là, il te regarde et il te fait « Boss Mag, ma radio est morte ». Ah. Et ok, rentrez. Les réserves d'oxygène sont très très basses. C'est bizarre. Tout fonctionne bien quand vous êtes parti. Ouais. Normalement, Izimun a vérifié. Vous savez très bien qu'on a des procédures. On vérifie une à deux fois par jour. Je rentre me mettre à l'abri dans le Valkan. Oui, tout de suite. Et il te donne son fusil. Ah. Il te dit « Si on arrive à régler ça rapidement, je reviens vous prêter main forte ». Ok, bon, vous avez d'autres combinaisons, je pense, à l'intérieur. Pas de problème. Revenez au plus vite, Catherine. Il prend donc appui et repart se lancer dans le sas du Valkan. Ok, bon, j'ai gagné un fusil, quand même. Quel escroc, ce Catherine, là. Ou alors, il y a eu sabotage, mais bon. Le sas s'ouvre et vous rentrez à l'intérieur du vaisseau. Alors, vous pouvez voir sur le Roll20, je vous ai basculé sur une autre page et vous allez arriver là où je ping. Plutôt à l'arrière du vaisseau. Ouais, plutôt au centre, en fait. La cabine de pilotage et les postes de commandement sont vraiment très très hauts. Ensuite, viennent les quartiers des équipages avec tout ce qui est coquerie, chambre. Et on descend et tout en bas se trouve tout ce qui est soute et tout ce qui est salle de maintenance et réacteur. C'est pour ça que Easy Moon n'était pas stationnée avec vous en haut, mais qu'elle était stationnée en bas, proche du réacteur. Mmh. Bah, on va aller y voir le cargo, hein. On va voir la marchandise. Il est clair que le vide règne à l'intérieur de tout le vaisseau. Les quelques taches lumineuses de l'éclairage d'urgence mis à part, tout est plongé dans le noir. Face à vous, une forme sombre se détache à votre droite lorsque vous entrez, flottant un micro-percenteur juste en dehors de votre champ de vision. Vous allez tous me faire un jet d'initiative. Merde. Et me prendre un petit point de stress. Deuxième. Initiative. Initiative, vous lancez un D10, grosso modo. Ah et oui, ça se classe. Un D10 hein, moi j'ai. Il y a une case de initiative, j'ai lancé là-dessus. Une case d'initiative hein. Oui, pardon, c'est 2D6. Ah, c'est 2D6 à l'initiative. Excusez-moi, je me suis trompé. Cliquez sur la case initiative. C'est bon, ça fait aussi. Prie. 4 pour le capitaine Jonah Willis qui a toujours manqué d'initiative. 7 pour Norman. 6 pour Darrell Anderson. Vous êtes devant ou vous êtes rentré devant? Ouais. Et il me manque notre cher PDG. Il a fait 1 sur le dé. Parfait, 7. C'est au milieu en fait. Initiative, 2 points D. Ah oui, vu. Deux initiatives ne peuvent pas être égales, donc vous allez devoir me relancer, Norman et Christopher, vos initiatives, s'il vous plaît. Ça sent la trituration de dés, ça. Bien, donc vous avez cette silhouette, capitaine, qui se tient, qui se détache de ta droite et qui te semble légèrement menaçant. Enfin, t'es surpris, tu vois quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Moi? Oui. Alors, je suis dernier en initiative, c'est pour ça? Normalement, t'es le premier. Ah, c'est le plus petit score qui. Ah bon, fallait faire plus. Fallait faire le score le plus bas. Excusez-moi, j'ai un doute. Ah. Ah oui, du coup, je suis rapide en fait. Parce que moi, j'ai prié le dieu des dés pour faire un résultat haut. Ça en fait, il faut faire un résultat bas. J'espère que j'ai pas sacrifié un chat pour rien, quoi. Le plus petit chiffre commence, puis on remonte jusqu'à atteindre le plus grand chiffre. Ah, voilà, moi, je suis le capitaine. Attention, évidemment. Deux PJ peuvent échanger leur initiative entre eux au début du tour, s'ils sont d'accord. Eh ben, Norman, je vous donne mon initiative. Passez devant. C'est une belle initiative, capitaine. Ok, enfin, je veux bien intervenir, hein, je veux bien agir. Donc je vais braquer une lumière sur la silhouette sombre, hein, tout simplement. T'aperçois que cette silhouette est un individu en combi V. Les pieds sont toujours fixés magnétiquement au pont. Mais de petits éclats issus de sa visière brisée flottent autour de sa tête. Cette personne est visiblement morte, mais les conditions du vide empêchent de dire depuis quand. Ok. Est-ce qu'on le voit en même temps ou... Oui, vous le voyez tous petit à petit en entrant, d'où votre petit point de stress. Dans ce cas-là, je vais m'approcher pour examiner la combi, le corps, essayer de voir si... au moins, même si je peux pas savoir depuis quand, au moins si je peux connaître la cause du décès. Tout le monde a pris un point de stress, là, ou quoi ? Oui, je te laisse faire un petit jet de soins médicaux, s'il te plaît. J'ai pas de ou observation, au choix. Observation, attends, excuse-moi. Je cherche... Non, je vais faire soins médicaux. Oh là là, zéro succès. Ouais. Est-ce que je peux forcer le dé ? Tu peux forcer le dé, attention à tout. Un obtenu te fera augmenter ton score de panique. Eh ben, rien du tout. Deux fois. C'est le stress de l'espace. Zéro sur 9 dés. Voilà. Même un dé jaune. La visière est brisée, les éclats flottent à côté. Mais... Avec le manque de luminosité et tout ça, j'arrive pas à voir correctement. C'est ça. Ok. Est-ce que je peux me brancher sur la console du SAS pour voir le log du vaisseau si... Justement, si la dépressurisation était répertoriée dans... Enfin, si les logs fonctionnent, même si le réacteur est éteint, quoi. S'il y avait, je sais pas... Bien, je te laisse, qui permet je te laisse de... me faire un jet de Comtech. Tu réussis tout le regard agacé de Philips. Tu remontes en termes de jours, ça s'est passé. Il y a 5-6 jours, il y a eu un arrêt et une dépressurisation complète du vaisseau. Et qui a été ordonnée ou qui a été... Elle a été ordonnée, oui. Ça sent pas très bon tout ça. Elle a été commandée depuis l'intérieur du vaisseau. Bon, Anderson, vous confirmez qu'il est mort ? Je confirme qu'il est mort, mais je confirme aussi qu'il faut faire acte de prudence. Pourquoi ? Ils ont ordonné la dépressurisation du vaisseau depuis l'intérieur. Ah. Donc, soit il y a eu un accident bactériologique, soit je sais pas. Mais peut-être qu'on peut faire face à un danger potentiel. Faites marcher vos machines, hein. S'il y a un danger bactériologique, on évacue tout de suite. De toute façon, pour l'instant, le vide spatial nous protège de ça, mais il faut que j'en sache plus avant qu'on rallume le réacteur, ça c'est clair. Ok, bon, on prend la direction des soutes vers le bas et vous inspectez sur la route. Normalement, les bactéries ne sont pas censées résister au vide spatial. Oui, bien sûr, mais s'il y a une souche enfermée de manière hermétique dans une des baies... Ah, ça c'est... Je sais pas. Voilà. Je préfère rester prudent pour les hommes qui... Où souhaitez-vous aller ? Est-ce que vous souhaitez rester un groupe entier ? Est-ce que vous souhaitez vous diviser pour aller à plusieurs endroits différents ? Non. On reste tous ensemble et on descend vers le bas. Voilà mon ordre. Et j'aimerais bien trouver peut-être l'infirmerie pour savoir s'il n'y a pas eu justement quelque chose qui a été enregistré. Non, on va d'abord inspecter les stocks. S'il y a quelque chose à récupérer, on voit. Et s'il n'y a rien à récupérer, on évacue. On ne va pas aller faire mumuse dans les autres quartiers. Ouais, je confirme, on récupère la marchandise de valeur s'il y a et on dégage. On voit, Déjà. Je cherche s'il n'y a pas une bouteille d'un gaz quelconque, genre un extincteur, un truc d'oxygène, n'importe quoi qui contiendrait du gaz. Non, là où vous êtes, pour l'instant, il n'y a rien. Alors j'essaie de garder ça en tête pour le reste de l'exploration. Ouais, vous êtes rentré par le sas et vous n'avez pas refermé la porte. Est-ce que vous souhaitez la refermer ? Tout à fait. Pour refermer, il me faudra un test... Vous ratez pas, Philips. Moi, de machine lourde, parce que c'est quelque chose qui est lourd à faire et la manipulation prend quand même 1 à 2 minutes. On peut pas l'aider ? Si, on peut l'aider. Je m'occasionne des dés en support en plus, ça marche comment ? Moi, j'ai 4 en force, peut-être ça peut aider. Je... J'ai 3. Bah, j'accepte l'aide. Oui, je vous laisse tous faire un test de machine lourde si vous le souhaitez. Ah non, il est des jaunes, c'est... j'ai oublié. C'est parce que t'es stressé. C'est quoi ça ? Pour l'instant, on n'a jamais fait de critique, en fait. Hein. Non, il n'y a pas eu de critique. Oh, moi, je me suis cassé le dos. Norman et Monsieur Anderson, vous arrivez, comme si c'était naturel chez vous, à refermer la porte, la reverrouiller. Capitaine Phillips a essayé de vous aider au début, a vu que vous gériez, et a plutôt vérifié que la fermeture fonctionnait bien. C'est un capitaine, après tout. Merci pour votre aide, capitaine. Oui. Bah écoutez, non mais j'ai un peu mal au dos en ce moment. Mais bravo, belle fermeture de porte. On vérifiera ça à notre tour, capitaine. Allez, on part tout de suite en vérifier la cargaison. Là où vous voyez sur le schéma, en bas, vous avez donc les airlocks, c'est par là où vous étiez avec le sas. Il y a des combinaisons V qui sont encore positionnées dans les placards. Et vous avez une échelle qui vous permet de descendre en dessous dans les soutes. Alcatri passe devant. Non, il est parti, pardon. C'est normal, alors. C'est normal, pardon. On a fermé le sas, mais Catherine, c'est vrai qu'on a fermé. On aurait pu laisser ouvert pour Catherine, mais il nous contactera. Bah, Philippe, c'est après vous. Bien, capitaine. Je passe second. Je dégaine mon arme au cas où, également. Et je passe troisième. Je ferme la marche, du coup. Ou plutôt, Christopher passe troisième et je ferme la marche. Après tout, c'est le... Bon, oui, ça peut déjà aussi. C'est le boss. Ok. Qu'est-ce que vous faites en arrivant dans la soute ? Mais il y a des caisses, il y a des choses. Bien sûr. Mais justement, je demande si vous observez. Pareil, je cherche toujours s'il y a une bouteille de gaz, d'un gaz quelconque. Quand vous descendez dans la soute, la première chose que vous voyez, c'est les deux portes de grosses portes de chargement que vous avez de chaque côté, qui permettent de transvaser les caisses depuis un quai ou en un étang arrimé sur une station. Vous avez une demi-douzaine de caisses qui sont posées ici. Et l'une d'entre elles, enfin, elles sont toutes fixées et retenues de manière magnétique sur le sol, sauf l'une d'entre elles, qui semble brisée. Et dedans, vous aviez donc de la sorte de paille qu'on met avec les colis qui sont fragiles. À la base, ça devait être répandu sur le sol, et depuis, un peu aux alentours de cette caisse, il y en a qui flottent suspendues dans l'air. Et la caisse est vide ? La caisse est vide. Il y a un marquage quelconque, une identification quelconque sur les caisses ? Oui, il y a un logo, MCRN. CN. C'est un vaisseau martien, ça. Oh, en tout cas, les caisses appartiennent à Mars. Non ? Si je ne m'en trompe pas. Oui, sûrement. Oui. Ok. Et on fouille toutes les caisses. Hein. J'ordonne à tout le monde d'ouvrir les caisses. Je vais essayer de faire quelques tests sur la caisse ouverte brisée. Savoir si déjà elle s'est brisée. Enfin, si déjà j'arrive à voir si elle s'est brisée de l'intérieur ou si c'était un choc extérieur qui l'a brisée. Et savoir ce qu'elle contenait. Bonne idée, mon petit Anderson. Pour ça, il te faut te loguer sur les journaux d'Anterre. Mm-hmm. Et pour l'instant, si tu essayes, ils sont hors ligne, étant donné que le réacteur ne fonctionne pas. Tu avais 2-3 logs d'urgence qui fonctionnaient, notamment les systèmes d'urgence. Mais tout le reste, il faut redémarrer le réacteur pour que ça marche. Il y a quelque chose qui semble avoir frappé la caisse de l'extérieur. Tu ne saurais dire quoi, et c'est ça qui a fait que elle a l'air d'avoir été fracassée. Ok. Et comme disait effectivement l'identification MRCN, d'accord, mais est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose qui fait référence à ce qu'elle contenait ou pas du tout ? Faudrait regarder sur les logs de l'inventaire, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Pour l'instant, t'as l'impression que c'était quelque chose de fragile. Les autres caisses ? Il va me falloir un test de machine lourde pour pouvoir ouvrir les autres. On s'y met tous, hein ? Oui, on s'y met tous. Une caisse chacun, c'est ça ? Moi, je cherche toujours une bouteille de gaz. Un extincteur. Pardon, effectivement, l'extincteur peut en trouver un par ici. Ouais. Si tu réussis un test d'observation. C'est où ça ? Ici, hop. Eh ben, c'est réussi. Ah, parfait. Eh bien, tu en trouves un. Je te laisse me dire où et de quelle manière. Là, on est où ? On est dans le cargo hold, là ? Oui, tout à fait, oui. Probablement près d'une des issues. Il y a des échelles, c'est quoi ? C'est dans les coins, quoi ? Je sais pas, je dirais, genre, voilà, quoi. Ok, parfait. On a un qui était solidement attaché. Tu peux le défaire de ses renforts magnétiques. Je le défais, je me vais au centre de la pièce et je lâche un coup de gaz rapide et je vois, enfin j'observe où part le gaz, de manière à identifier une éventuelle brèche dans la coque. Le gaz se dissipe de tous les côtés comme si la dépressurisation était toujours active. Mais donc genre comme s'il y avait des brèches partout quoi. C'est ça. En fait, il y a des processus de dépressurisation qui, lorsqu'ils se font, t'as des ouvertures qui sont situées de tous les côtés qui permettent de faire sortir immédiatement l'air. Ça aide notamment à éviter la propagation du feu. Ça aurait été manuel, quoi. Ah oui, d'accord. Tu sais qu'au niveau de, donc, soit de l'ingénierie, soit du poste de commande en haut, t'es capable de désactiver la dépressurisation, mais pour ça, il faut rallumer le réacteur. Je rattache l'extincteur et je vais aider le reste de l'équipage s'ils n'ont pas réussi à ouvrir la caisse. Moi, j'ai pas réussi. C'est Mr. Anderson qui arrive, c'est ça. Anderson. Vraiment, bah écoute, Darrell, quand tu ouvres, je sais pas comment tu t'y prends, tu pourras me le raconter, tu tombes sur tes jolis fusils avec toujours le même logo, MCRN. Du coup, oui, ayant eu auparavant l'habitude d'ouvrir quelques caisses de manière, disons, peu réglementaire, j'ai réussi sans mal à habituer l'ouverture et à la faire coulisser. Et effectivement, je découvre le contenu et j'en parle tout de suite au capitaine. Capitaine ? Oui ? C'est du contenu militaire que nous avons là. Regardez. Et je lui montre l'ensemble des fusils bien rangés dans la caisse. Ah oui ? C'est du sérieux, là. Je sais pas sur quoi on est tombé, mais ça, les pirates n'auraient jamais laissé passer ça, donc. Et ben, on va récupérer tout ça, hein. Est-ce que vous pensez que... Non, je vais demander à Philips que le vaisseau est réparable ? Il y a lien, faut que je vois les moteurs et la... Et peut-être aussi la... Le pont. Ok, bon, allons voir les moteurs, je crois qu'on est juste à côté. Et si... s'il y a beaucoup d'armes, il y a beaucoup de caisses d'armes. Il y en a 6 caisses d'armes et vous avez à peu près une vingtaine d'armes dans chaque. 6. Ah. Mais il y a peut-être moyen de vendre le vaisseau, donc... ok, on va inspecter les moteurs et... équipez-vous de tous une arme, on sait jamais. Prenez une meilleure arme. Ils sont directement utilisables. Tu as des chargeurs à côté, tout ça, et vous avez deux types de balles. Vous avez les balles classiques qu'on utilise ici sur Terre, c'est-à-dire avec de la poudre, et vous avez le projectile qui part. Et vous avez un type de balle un peu plus recherché que l'on peut utiliser dans un combat à microgravité. Je vous rappelle que vous êtes toujours en apesanteur. C'est une sorte de balle avec une douille, sauf que c'est comme si c'était une roquette, en fait, qui permet de faire partir la balle. Donc elle est plus lente que les balles dites classiques, mais elle peut se déplacer dans le vide. Bon, on prend ça, oui. On va prendre ça, parce que les autres ne marcheront pas. Ouais. Prenons ça et puis prenez des armes supérieures à vos pistolets. On prend tous un fusil, quoi. Vous pouvez tous noter que vous avez un fusil dans votre inventaire. Ça fait combien de dégâts, ça ? Deux de base, et après, c'est en fonction du nombre de succès que t'as. On peut rajouter, ouais. D'accord. Et on a un bonus ? Vous avez un bonus de 1, un dégât de 2, portée moyenne. Okay. 1, 2, moyenne, ça marche. Donc 2d6 plus 1 et portée moyenne, c'est ça ? Non, en fait, le dégât, ça fait 2 dégâts de base, et chaque 6 que tu fais, te rajoute un dégât. D'accord. Et le bonus, c'est un dé en plus que tu lances avec ta compétence arme à distance. C'est ça. Oui. Comment t'as dit que ça s'appelait les balles anti-gravité ? Comment t'as dit ? Balles en combat 0G. En combat 0G, okay. Ah, c'est martien, ils ont une discipline militaire hors du commun. Ok. Ah, c'est des armes martiennes, quoi. Et bah oui, sur la caisse. Ok. Est-ce que j'ai une idée quelconque de la valeur que ça peut avoir ou... Cher. Le matériel martien, c'est du matériel de pointe. Ok. Un vaisseau martien, ça vous descend des 1000, les armes pareilles. Mais ce qui coûte sera toujours le plus cher, ça sera les armures portées par les Marines. D'accord. Capables d'évoluer dans tous les environnements et qui font d'eux des véritables chars d'assaut. Je me tourne vers Christopher, vous avez vu la marchandise ? Oui, matériel martien. Ça vaut le coup, non ? largement, il faut qu'on embarque tout ça, mais ce qui me gêne un petit peu, c'est que c'est un vaisseau non identifié, avec du matériel martien. Dieu seul sait si... Ce que tu sais, c'est que selon les lois, si tu t'empares d'un vaisseau comme ça, tu le revendiques, c'est ta propriété. Après, comme si tu le fais voler à côté de ton vaisseau, que tu rentres dans un spatioport, tu peux faire activer un transpondeur, bien sûr, et faire immatriculer le vaisseau à ton nom. Ah, bon, on le récupère. Ouais, alors on va essayer de récupérer le vaisseau, c'est le mieux, et dans le pire des cas, on récupère juste la matière et la marchandise. Il faudra veiller à ce qu'on puisse refaire circuler ces armes sans trop de soucis, parce que c'est quand même du matériel militaire, quoi. Non mais Anderson, on vous a pas sonné, vous êtes médecin. Donc vous, les histoires de cargaison militaire, on s'en occupe. Très bien, très bien. C'est pas possible, ça. De toute façon, j'ai mes réseaux. Anderson, vous auriez pas saboté la combinaison de Catherine tout à l'heure? Pour quelle raison je fais ça? Je veux tenir cet équipage autant que vous, capitaine. Jamais je me serais permis de faire une chose pareille. Je me rapproche de lui pour lui parler plus bas. Je fais comme tout à l'heure, je colle mon casque avec Anderson. Oui, capitaine. Mon petit Anderson, est-ce qu'on pourra se voir après la mission en privé? Oui, oui, évidemment. Et je m'éloigne d'Anderson et je lui dis « Donc, vous avez compris, Anderson ?» Oui, oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes tous les deux branchés sur le canot radial On a coupé. Non, on a fait une... On a coupé la radio. Ouais, évidemment. Et on l'a rallumé. Donc, Philippe, on vous suit, on va inspecter le moteur, voir si le vaisseau est en état de marche. Bah, avant ça, j'interviens en disant « Messieurs, calmez-vous, je suis d'accord que nous sommes sous tension, mais c'est pas le moment de ne pas avoir confiance les uns en les autres. Le moment est d'être rapide, efficace. On ne sait pas ce qui a potentiellement attaqué ce vaisseau. Ils sont peut-être toujours dans la zone. Vu la valeur du matos à l'intérieur, ils vont peut-être revenir. » Donc, je pense qu'il faut qu'on accélère le pas là. À vos ordres. Bon, tu dis, il y a une lumière vive qui surgit de la zone que vous aviez en dessous, en remontant par l'échelle, et vous voyez une sorte de disque d'un mètre de diamètre vous éclairant, se tournant vers vous et sortant une de ses armes. Je vous laisse prendre tous un petit point de stress et me lancer une initiative. Un disque. Attends. On sert pas beaucoup. Un disque en robot, enfin. Tout à fait, il s'agit d'une sorte de drone de combat. D'accord. Chier, j'ai vraiment sacrifié mon chat pour rien, j'ai 11. Oh, décidément vous faites tous les deux les mêmes jets, quoi. Ça devient gênant. Christopher, ouais. Je fais 4 et 3. Ah ouais, on est synchro. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qui joue en premier? C'est le capitaine Willis, bien sûr. Non, c'est le chiffre le plus bas, du coup. Ah oui, mais nous on a fait un double, mais je pense que c'est juste pour tout me départager après. Ah d'accord, pardon. Ah non, ça reprend la valeur d'avant. Ah bon? Ça reprend le... Ouais, ah bah donc c'est moi. C'est Chris, ah bon, bah d'accord. Qui se joue en premier. Ouais. Suivi de Norman. Capitaine Willis. Et, suivi de Willis. Et pour finir, Anderson. C'est bien. Les médecins toujours en dernier. Toujours. J'observe avant d'agir. Monsieur Lafourcade, la parole est à vous. Donc, un disque lumineux sort une arme. Moi, j'ai directement tenté de me mettre à couvert et pointer mon arme dessus aussi, mais sans tirer. La chose a l'air vraiment menaçante. Rappelle-toi que tu es dans le vide spatial. Un trou sur ta combinaison va amener à la dépressurisation. Ouais, ce qui veut dire que ça a l'air d'être une machine, ça a pas l'air d'être un être humain. Oui. Ouais, donc moi je vais me planquer et il tirera mieux que moi, ça c'est certain. Donc je me mets à couvert. Te laisse me pinguer vite fait la map, en gros tu te mets à couvert. Le disque, sans vous prendre à dépourvu, apparaît au centre. Ah oui, d'accord. Il est juste en dessus de l'échelle. Pour l'instant, la seule chose qu'il a fait, il est monté, il vous a vu. Vous voyez qu'il commence à faire entrer en rotation la sorte de fusil qu'il a. Il ressemble à quoi, en fait? C'est une sorte de disque d'à peu près 1 mètre de diamètre. Et de... Tout plat, quoi, enfin... Un aspirateur automatique. Oui, c'est ça, tu vois, l'aspirateur automatique que tu peux avoir dans les maisons. Un mètre de diamètre. Après, il sort quand même un fusil de son trou de balle. Très bien. C'est un gros Dyson. Ouais. Il sort une arme. Une arme de tir à distance. On va le dégommer. Tu vois qu'il a, il est équipé de propulseurs. Visiblement, ça l'empêche pas de manœuvrer un micro-pesanteur. Moi, je vais me planquer les caisses en haut à gauche, là. C'est donc au tour de Norman. Moi, j'étais en train de revenir après avoir rangé mon extincteur. Donc, je dirais que je suis par là et je vais rester derrière la caisse ou me déplacer en tout cas derrière la caisse, pointer mon arme et tirer. Quoi. Bien, je te laisse faire un test de tir à distance, s'il te plaît. Tout fait. Combat à distance. C'est parti. Ah mince, mais j'ai pas lancé... Attends, comment ça marche pour les... Non, c'est bon. En fait, ton fusil, il fait 2. Là, tu as eu une réussite. Tu occasionnes donc 3 dégâts. Ouais, mais j'ai pas lancé le dé bonus du fusil, en fait. Mais c'est bon, oui. Ouais, j'ai donc un deuxième succès, si tu me permets. Je te le permets. Il fait donc 3 de dégâts. C'est autour du disque qui se retourne vers toi, qui fait entrer en rotation. Tu dis toi, tu veux dire le capitaine Willis ? Non. Vers la menace qui vient de lui tirer dessus. Le capitaine Willis. Il fait entrer en rotation sa sorte d'arme et lance un tir dans ta direction. Ouais, t'entends ça. Le tir passe légèrement à côté. Peut-être que tu as eu un mouvement d'esquive, mais visiblement, il visait ta tête. Oui. Ok. C'est donc au tour du capitaine. Bah moi, j'ouvre le feu direct. Hein. Je crie feu à volonté, d'ailleurs. Et je recule tout en tirant vers cette caisse noire à droite pour me mettre à couvert, tout en tirant. Je te laisse faire un jeu de combat à distance, s'il te plaît. Je mets le bonus dans les... Oui, ou tu le tires après. Je l'ai ajouté. Un succès. Tu endommages un de ses propulseurs. Il a du mal à bien manœuvrer pour se repositionner face à toi. C'est donc au dernier membre de notre groupe, Mr. Darrell Anderson. J'ai une réussite. Moi, ce que je fais, c'est que du coup, je désactive mes bottes magnétiques je m'apprête à sauter, je désactive mes bottes magnétiques, je fais une pirouette sur moi et je réactive mes bottes magnétiques pour pouvoir être collé en fait au toit entre guillemets du cargo. Ouais, attends. Si Anderson, ils avaient caché des trucs là. C'est le cirque du soleil. Exactement. Il vient de Hong Kong, en fait, le cinéma de John Woo. Et je m'apprête à lui tirer d'en haut, en fait. Enfin, d'en haut. C'est un peu relatif, on a un micro-pesanteur, mais... Tu réussis, et je te laisse décrire l'endroit où tu le touches pour le désactiver. Je le touche vraiment pile sur la tranche pour essayer de désactiver son système de guidage, etc. Les lumières font... Noir. Mis à part l'ampe torche que vous avez fait sur votre combinaison, vous pouvez apercevoir une sorte de faisceau lumineux venir du haut et se déplacer, devenir de plus en plus vif. Vous avez 4 secondes pour vous replacer si vous souhaitez bouger. Les lumières, c'est sur le disque ? Pour l'instant, la lumière, elles arrivent du haut du vaisseau. Elles semblent devenir de plus en plus vives. Visiblement, tu te doutes que c'est un drone qui va pas tarder à arriver sur ta position. Eh ben, je vais me remettre derrière ma caisse. Hein. Ah oui, si vous voulez, vous pouvez faire glisser votre cœur. Ouais, c'est très une bonne idée, monsieur Riley. Le capitaine Willis, non ? Capitaine. C'est qui toujours. Capitaine, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Faites attention, vous avez un réacteur derrière vous, Norman. Il est d'ailleurs avant l'appel, d'ailleurs, le planqué. Hein, dans la... Ah, par contre. Je vais garder vos mêmes initiatives. Donc, Christopher, tu seras la première personne à jouer à partir du moment où l'un des drones va. D'ailleurs, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux qui arrivent en même temps. Qui vous occasionnera un petit point de stress supplémentaire parce que vous n'avez pas prévu de vous battre contre des drones. Pour tout le monde, d'accord ? Oui. Ok. Christopher, tu as deux drones devant toi. Que fais-tu ? Je vais tirer, hein. Je te laisse te faire plaisir. Il y a deux cette fois ? Oui. Je vais glisser le Vulcan, hop, qui symbolisera le premier drone. Et le Picus qui s'invite. Ah, le deuxième drone. Sur quel drone tires-tu ? On est à 3 de stress, hein, c'est ça ? Oui. Je suppose qu'ils ne savent pas descendre en même temps, donc le premier qui descend, je l'allume, quoi. Tu réussis. On a rechopé un point de stress, là ? Oui. Ah, pardon, je savais pas. C'est pour ça que je préférais le redire. Oui, mais t'as bien fait. Norman, d'ailleurs, étant donné que tu parles, c'est à toi de jouer. Eh ben écoute, pareil, je vais réépauler mon fusil et balancer une balle ou une rafale avant de me remettre à couvert. Enfin, planter, en tout cas. Ouf, et... Eh bien, deux succès et un panique. Tu tombes à court de munitions. Ah merde. Alors que tu tirais, tu arrives à le toucher. Touche quand même ? Ouais, ok. Déjà ça. Ça te cause une situation stressante. Oula, ça devient chaud, Philippe. Tu vas me lancer un petit D6, s'il te plaît. Alors, faut que je refasse. Là, j'ai lancé un gros D6, tu fais 6. Je vais relancer, donc. Non. Ah bon, merde. Ah, tu rentres donc dans un état de panique. Tu viens de tomber à court de munitions, tu as deux drones qui font face à toi, tu vas être gelé par la peur pendant un round. D'accord. Ta prochaine action ne pourra pas la faire, à moins que quelque chose ne se passe. C'est ensuite au capitaine d'agir. Est-ce que je peux faire un commandement et tirer ? J'aurais bien que justement il se réveille. Tu peux. Mais c'est à la place de tirer ? Je vais me faire un test de commandement. Mon but, c'est de dire à Philips de se réveiller et d'agir, en fait, pour qu'il ne perde pas son tour. Ça veut dire qu'il va agir à ta place, pour moi. Ah bah, si tu réussis ton test de commandement, il va reprendre ses esprits et va retirer immédiatement. Et t'as combien en tir ? Ah, t'as beaucoup de dés en tir. En tir, il y a beaucoup de dés. Ah, c'est ton stress. Toi, Philips. Bah, j'ai 5 de base, quoi, en plus, mais j'ai plus de stress que vous. Moi, j'ai 4, en fait. 4 et 3 de stress. Mais en commandement... Bon, moi, je fais un jet de commandement pour dire à Philips de tirer. J'ai réussi. Non, c'est un échec. Ah, merde. Je te laisse jeter un D6. Ah, merde. Tu ne paniques pas, mais Philips ne t'entend pas. Je te laisse intimer tes ordres de manière roleplay. Mais j'ai perdu mon tour, là. D'accord. Oui, oui. C'est génial. En plus, on est à l'autre bout de la pièce, donc c'est complètement nul, en fait. Mais t'as la radio. Philips ! Ah oui, Philips, réveillez-vous ! Philips, réveillez-vous, j'ai toujours cru en vous. Vous pouvez... je sais ce que vous valez au tir. Philips, vous m'entendez ? Philips ? Il m'entend pas, le con. Elle entend, mais je reste... Yeah ! J'entends juste ma lourde respiration. Fort de ma position, profitant du fait que les drones se concentrent sur les personnes qui sont en bas, je tire sur le deuxième drone qui vient d'entrer dans le sas pour pouvoir un peu prendre par surprise, en quelque sorte, le premier drone. Les deux drones venant d'entrer, le deuxième se positionne et te regarde, alors que le premier regarde les personnes qui ont tenté de lui tirer dessus. Enfin, l'une d'entre elles a réussi. Et là, je peux lancer mon dé bonus, du coup, vu que j'ai fait deux réussites. Bien sûr. Si tu l'as pas jeté avant... Non, je l'ai pas joué. Je l'ai pas. Ok, ça ne change rien. Ça ne change rien. Andersen, justement, devait tirer dessus par le deuxième drone qui t'a regardé. Tu sens une balle se loger au niveau de ton torse. Et surtout, tu vois la dépressurisation commencer à peindre. Mais j'ai réussi à lui tirer dessus avant ou c'est... Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, d'accord. C'est en réplique, en vrai. Bien. Okay. Tu subis quand même 3 points de dégâts. Vache. Voilà, visiblement, ta combinaison a ralenti l'impact de balle. Mais tu sens que tu commences à perdre de l'oxygène. Ouais, il va falloir que je m'en occupe très vite. Ta capacité de réflexion commence à diminuer et tu vas prendre un point de stress en plus. Oui, forcément. Christopher, tu viens toi aussi de subir un tir et tu prends 4 points de dégâts. Oula. Au niveau de ton bras gauche, et t'es en train de le voir, il y a un trou dans ta combinaison et tu vois l'air commencer à s'échapper. C'est donc ton tour, Christophe. Le drone est toujours au niveau de la trappe, hein, on est d'accord. Les deux, oui, tout à fait. Ils sont l'un sur l'autre. Ils font 1 mètre de diamètre, donc tu vois qu'ils sont tous les deux positionnés. Bah, je vais malgré tout tenter de refaire un tir ce tour-ci sur le même drone que précédemment. J'ai que ça en tête pour l'instant. Tu peux arriver, tu commences à ajuster ta visée, t'as quand même les paupières qui commencent à légèrement se fermer, tu sais que tu vas manquer d'oxygène très très rapidement. Je te laisse toutefois faire ton tir. Le tir touche et tu vas me jeter un D6, s'il te plaît. Parfait, t'as fait petit, c'est bon. Tu n'entres pas en panique. Ton fusil est vide. Tu visais donc le premier drone, c'est ça ? Ouais, le même que j'ai touché précédemment. Tes tirs font mouche, tu sembles avoir touché un élément central dans le drone et tu vois qu'il bouge légèrement avec ses deux propulseurs et l'un d'entre eux s'active. À la fin, peut-être que t'avais touché une commande et tu vois qu'éteint, il vient se balancer contre le mur proche d'Andersen. Tes yeux sont lourds et menacent bientôt de se fermer. Ouais, si j'ai le temps pour le coup, de mettre ma main pour essayer de bloquer un maximum l'ouverture et de me remettre bien couvert, quoi. Je peux te l'autoriser, toutefois ça ralentira juste la fuite. Ok. Norman, tu es gelé. Suite à la panique du tour précédent, tu pourras jouer à ton prochain tour. Capitaine, c'est à vous. Bah, je tire, je suis plus endommagé. S'il y en a. Sur le canal radio, vous entendez Bosmac, Biste Ben. Nota bene pour l'instant. Oh non! J'ai un succès et un échec. Tu vas me lancer un petit D6, s'il te plaît. 10. Tu t'échappes de peu. Tu paniques pas, toutefois, toi aussi, tu te retrouves à court de munitions. T'as tout balancé, t'as dû tirer en rafale, t'as bien bien endommagé le drone. Ok. De toute façon, il y a des caisses de munitions tout autour de nous, là. Andersen, c'est à toi. Le drone qui me regardait, qui m'a tiré dessus, du coup, c'est celui qui a tapé contre la paroi. Non, c'est l'autre. Eh ben, je réplique tout de suite. Je sais qu'il va falloir pas traîner à s'occuper de la blessure, mais avant tout, faut déjà se séparer de la menace. Et j'ai fait une réussite et une panique. Je te laisse tirer un D6, s'il te plaît. Eh bien, 6. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, me tirer 2 D6? Oui. 4. Tu commences à entrer en panique et... t'arrives à prendre sur toi. Doucement, par contre, t'as tes yeux qui se ferment et tu sais que si t'agis pas dans la foulée, tu risques de perdre connaissance et de perdre tout simplement la vie. Le tour de combat se termine. Vous allez donc pouvoir me décrire ce que vous faites quasiment immédiatement. Norman, tu reprends tes esprits. C'est quoi cette merde ? J'appelle directement Andersen, moi perso, me sentant blessé, ne sachant pas son état, je suppose. Ouais, Norman, tu vois, côté toi, t'as l'impression qu'il y a de l'air qui s'échappe. Et si tu prends ton attention, tu verras que à tes côtés, t'as Monsieur Lafourcade qui commence à dépressuriser. Et au vu de sa tête, il lui reste peu de temps avant de passer l'arme à gauche. Je prends un scotch et je colmate sa combinaison. Effectivement, sur ta combinaison, comme tout le monde, tu as une sorte de patch d'urgence que tu peux sortir et mettre sur la combinaison pour empêcher toute dépressurisation. Monsieur Lafourcade, vous perdez toutefois un point de vie dû au fait que vous n'avez pas patché tout à l'heure et je vous fais cadeau de votre point de stress que vous ne prenez pas étant donné que vous venez d'être secouru. C'est chaud, hein ? Okay. Monsieur Andersen, vous êtes toujours en train de fuir. Capitaine, vous voyez l'un de vos membres d'équipage en mauvaise posture. Ses mouvements sont lents, peu coordonnés, comme s'il commençait à perdre connaissance. Mais je suis pas en position de l'aider, il y a toujours les drones au milieu là. Ils sont toujours au milieu, mais ils sont désactivés. Ah. Le combat est terminé. Ah pardon, je fonce vers lui. C'est sa combinaison qui est... C'est les dégâts qui l'ont touché vraiment ou la combinaison? Il y a de l'air qui s'échappe au niveau du ventre. Ok bon, j'essaie de boucher la combinaison. Bah avec les patchs qu'on possède tous du coup, donc je suppose que ça... Oui, ça marche, bien entendu. Ah. Christopher, quand tu regardes ta jauge d'oxygène, tu te rends compte qu'il te reste à peu près 10 minutes d'oxygène. Merde. Ok. Merci, Philips. J'ai eu chaud. Il nous reste plus grand-chose comme oxygène. Il y avait des combinaisons, je crois, à l'étage. Il restait des combinaisons intactes. Peut-être qu'on a encore de quoi faire des réserves d'oxygène ou quelque chose. Andersen, toi, il te reste 6 à 7 minutes, à peu près, suivant la consommation d'air que tu fais. Bah, allez changer de combinaison tout de suite. Oui, et puis il faudrait pouvoir patcher... faudrait pouvoir repressuriser au moins une salle pour s'occuper des blessures. Parce que là, laisser traîner, je sais pas pendant combien de temps je vais pouvoir... Est-ce qu'on peut pressuriser le cargo, là? Pour ça, il faut rallumer les moteurs, mais oui, c'est envisageable. Ok, Philippe, faut foncer rallumer les moteurs. Le Fourcarty, là, putain, est parvenu encore? J'essaie de prendre contact avec lui. Et vous entendez? Bosmag! Bosmag! Bisbien! Bisbien! Oui. Con Koyo! Ah oui. Catherine, je vous écoute. Bisteben? Bisben? Moyen Ben. Ah, ça. On s'est fait tirer dessus, on a des blessés, on a des combinaisons... Inche. Vous pouvez nous rejoindre? On aurait bien besoin de vous. Oui. Ça veut dire oui, il arrive. Ok, je vais remonter, ouvrir la porte, et vous, Philips, vous descendez au moteur, vérifiez qu'on peut rallumer le moteur. Et si on peut rallumer le moteur, on dépressurise la salle cargo. Voilà, repressurise plutôt. On l'a. je suis capitaine, je suis pas ingénieur. Philips, tu descends? Ouais. Ah bah c'est un ordre. Bah ouais, c'est un ordre. Et arrivé à la salle des machines, tu pourras faire un petit jet de comtech pour pouvoir relancer toute l'ingénierie. Ingénierie, tu m'as dit ? Sauf s'il veut pas relancer les machines. Comtech pour relancer l'ingénierie. Ah ouais, comtech, ouais, d'accord. Peut-être que Philippe, c'est un traître et qu'il veut pas relancer les machines. Ah. Ouh. 4 succès, mais j'ai un dé de panique quand même. T'arrives à rallumer la machine sans aucun problème. Je laisse me tirer un D6, s'il te plaît. Spoiler alert, si tu fais moins de 6, tout va bien. 2. Pas bien. T'es pas à l'aise. Il y a visiblement quelque chose d'inconfortable ici. Peut-être la sensation de pression. Toutefois, t'arrives à allumer tous les moteurs, à arrêter la dépressurisation complète. T'arrives à repressuriser la salle où t'es. Tu te sens mieux et tu peux, si tu veux, repressuriser la salle d'en dessus, voire tout le vaisseau. Ouais, je repressurise. Vous avez toutes les lumières qui se rallument à tous les étages. Vous avez des signaux qui indiquent que l'atmosphère est bien présente partout. Et sur le sol de chaque salle, vous pouvez voir un mot marqué « Picus ». Traditionnellement, c'est comme ça que sont écrits tous les noms des vaisseaux avec la même police. Vous êtes persuadé que vous êtes à bord du vaisseau se nommant le Picus. Et ça éveille quelque chose ou... C'est juste son petit prénom, comme le Vulcan 4. Tu te rends compte aussi, en ayant réallumé les machines, que tu as réallumé le transpondeur, qui émet à nouveau. Okay. De toute façon, j'imagine que d'ici, je peux pas faire grand-chose avec ça. Non, il faudra monter au poste de pilotage. Bah, on va monter. Hein. Au niveau de la montée des airlocks, là où il y avait les combis, est-ce que du coup on y est arrivé sans encombre? Ouais, peut... bien sûr. Aucun problème, comme les sas ont été répressurisés et tout ça, le plus pénible va être de faire monter... Catherine. Moi, de mon côté, je vais enlever ma combinaison, me précipiter vers le kit de secours du sas pour patcher. Tu as ton kit de secours? Ouais, mais sous vide, du coup, à la base. Mais non, en fait, c'est quand tu pars avec le... Ah oui, 0G, pardon. Oui, pas sous vide. 0G, ça veut dire que tu as de quoi soigner en G normal. En 0G, t'as quasiment tout le matériel. C'est juste que t'es dans un sac qui est équipé aussi pour que ce que t'as à l'intérieur puisse résister à la 0G. Ouais. En fait, c'est l'équipement qui coûte une blinde. Évidemment. Comme vous êtes tous dans une situation qui est calme, vous allez pouvoir perdre vos points de stress. Donc, normalement, dans le jeu Alien, on perd un point de stress par round quand on se pose. Là, comme vous êtes désormais dans un vaisseau pressurisé, que les menaces ont été écartées, vous êtes toujours en apesanteur, donc vous avez pu décaler les drones dans un endroit pour qu'ils gênent pas, vous pouvez, si vous le souhaitez, perdre vos points de stress. Tous ? Bah, let's go. Perdre tous les points de stress ? Oui. Andersen, si tu fais ton jet de soin avant de te poser, tu me feras le jet avec les points de stress, s'il te plaît. Ah oh bah du coup, si on la joue roleplay, effectivement, faut que je le fasse avec. C'est un magnifique succès, 3 succès, écoute, dont deux des jeunes, c'est magnifique. Voilà. On dirait que t'as fait ça toute ta vie, après tout, ouais. Tu es médecin. Donc j'arrive à me patcher, non sans mal. Vous avez Catherine qui est en train de vous appeler sur la radio. Mag, boss Mag, tu es au sas? Eh ben je lui ouvre la porte. Avant ça, de toute façon, Andersen s'est soigné lui, c'est ça? Oui, et je viens... Mais je lui signalais ouais, qu'il y avait moi aussi. C'est ça, je viens. Oh, il te laisse crever. Tiens, comme d'habitude, c'est un sas. Donc, vous devez rentrer vêtu de vos combinaisons, ouvrir le sas extérieur pour laisser Catherine rentrer, et après refaire la pressurisation et repasser de l'autre côté. Bah, tout ça vous prend à peu près 2 minutes. Parfait, notre ami Christopher est stabilisé. Tu ne souffles plus de saignement, la balle a été retirée, ça aura peut-être pris 3-4 minutes à notre médecin en chef. J'ai réussi à localiser ça assez facilement, ouais. Après un petit passage à l'autodoc, ça fera pas de mal non plus, mais bon, on verra ça quand on sera de retour sur le Balkan 4. Oui, merci Andersen. De rien, Christopher. Eh bien donc, désormais, tout le vaisseau est allumé, que souhaitez-vous faire? Bah, on va attendre que Catherine nous rejoigne, et puis je propose qu'on aille réclamer ce vaisseau. Dans le poste de commandement. Eh bien, vous pouvez aller vous positionner au poste de commandement et choisir sur quel poste vous vous mettez. Vous ne rencontrerez aucune encombre. Souvenez que quand il n'y a pas de courant, vous mettez entre 4 et 5 minutes à ouvrir chacune des portes. D'ailleurs, avant de remonter, quand même, je vais rebalancer un petit coup de pchit de l'extincteur quand même pour vérifier si il n'y a pas quand même une brèche quelque part. Il y aurait une brèche, tu t'en serais rendu compte très rapidement dans l'ingénierie, parce que de là tu peux suivre tous les défauts et les capteurs t'auraient remonté un problème. Ouais, mais comme le transpondeur a été pas activé, j'ai pas tout à fait confiance, donc là un petit coup de pchit manuel, ça coûte pas grand chose. Tu peux te faire ça à toutes les salles si tu le souhaites. Non, juste là pour voir si ça bouge ou pas, quoi. Okay, je vous laisse positionner au niveau du centre de commandement. Sur quel siège vos personnages s'assoient? J'ai curieux de m'asseoir sur celui pour consulter les logs du vaisseau, notamment. Ok. Sur le siège du capitaine. Hein. Bah, parfait, choisis quel est le siège du capitaine. Bah, ce sera celui-là. Bah, vous avez Rie qui reste en bas. Tiens, est-ce que lors de la remontée vers le poste de commandement, on a trouvé d'autres cadavres et ainsi de suite? Je suppose que... Ouais, c'est ce que j'avais posé, effectivement. Vous en avez trouvé dans la coquerie des personnes qui avaient mis leur combinaison, qui sont en apesanteur et qui ont des impacts de balles dans la combinaison. Quand vous arrivez au poste de pilotage, pareil, vous trouvez deux personnes, dont une qui était encore sanglée sur son siège, complètement déchiquetée par les balles. Et est-ce que là, du coup, avec la pression revenue, l'éclairage, etc., j'arrive à mieux identifier peut-être la cause de leur mort? Ils ont été traversés par des balles. Clairement, avant qu'il y ait une dépressurisation, il y a des beaux impacts de balles qui ont transpercé leur corps. Tu le vois à travers leur combinaison. Il y a de beaux trous dessus. Est-ce que par extrapolation, à tout hasard, je pourrais déterminer, vu que je me suis fait traverser par une balle de drone, est-ce que je pourrais déterminer si justement l'impact de balle a à peu près la même forme et la même... Ils ont abattu par ces drones-là. Philips, je pense qu'il faudrait vérifier les logs de ces drones, voir les instructions qui leur ont été données ou s'ils ont été piratés, puisque l'équipage a été attaqué par les drones que nous avons combattus plus bas. Bah, je vais même voir s'il en reste et les désactiver si je peux à distance. Ouais, c'est... oui. Très bonne idée, Philips. Nous, on revendique le vaisseau. On l'appelle le... On le renomme le Vulcan 5. Si tu le renommes le Vulcan 5, il va falloir que tu ailles au quartier de l'ingénierie, que tu le renommes. C'est ce qu'on fera. Hein. Mais tu n'auras malheureusement pas ce temps-là, étant donné que Nico te contacte et dit « Bosmac, alerte sur les senseurs. Vaisseau en approche. Grosse vitesse. » Ah, quel genre de vaisseau ? Tu as les senseurs du Picus que tu peux rediriger sur ce vaisseau. Oui, faut que je fasse... Tu peux demander ça à ton ingénieur de bord de faire son métier. Ah bah, je lui demande, bien sûr. Ça semble être une sorte de petite frégate qui se dirige à grande vitesse vers vous. D'ailleurs, vous avez une demande de communication qui vous est adressée par Lasercom. Les pirates, ok, je réponds. Ici le commandant le capitaine du Picpus. Koyo, tu n'es pas le capitaine. Si, c'est mon vaisseau, je viens de me l'attribuer. Ah, la piraterie. Veuillez décliner votre identité. Adea Kitona, capitaine du Cybele. Je viens reprendre ce qui m'appartient. Ce vaisseau m'appartient, ainsi que toute la marchandise à son bord. Ça m'étonnerait, parce que j'ai pas vu votre nom sur les cargaisons. Pinche, tu crois que tu vas te jouer de moi ? Oui. Ça peut se régler de deux manières. Soit tu me rends la cargaison et le vaisseau, soit j'engage le combat. Est-ce que pendant qu'ils discutent, je peux justement regarder les logs et voir si... L'interlocuteur dit vrai ou pas du tout? Tu vois que la capitaine de ce vaisseau, c'était une personne qui s'appelait Kate Tolen et qui semble être une membre active d'une organisation réputée comme étant terroriste qui s'appelle l'OPA. Ah, chier. Moi, j'essaie de faire des vérifications pour voir si le vaisseau peut combattre. Oh oui. Quand tu regardes ça, tu vois que Christopher est sur le poste réservé à l'artilleur et que de là, il peut commander l'instorpille et canon CDR. C'est un engin de combat sur lequel vous êtes. Mais on est sur un engin plus petit qu'une frégate, on est d'accord. Plus petit qu'une frégate. Ah oui. Plus manœuvrable dans une ceinture d'astéroïdes et de combat. Et on est deux vaisseaux en plus. On a beaucoup plus manœuvrable que votre petit cargo qui n'a seulement des canons CDR pour se défendre. Mais on a deux vaisseaux. Vous avez deux vaisseaux. Vous avez deux pilotes. Vous avez un artilleur quelque part dans un vaisseau. Oui. Bah, on peut mettre Catri à mon poste, de toute manière, pour qu'il puisse commander tout ce qui est armement. Et la seule chose qu'on va faire, c'est tenter une manœuvre de désengagement. Parce que de toute manière, si on arrive à réclamer le vaisseau, à se désengager, à réclamer le vaisseau, il est à nous, ils n'ont plus rien à dire. En plus, c'est une organisation terroriste, pour peu qu'on se rapproche d'un avant-poste terrien, martien, peu importe. Ils vont pas oser s'aventurer comme ça à faire un engagement de combat dans un avant-poste proche, quoi. Vous proposez de foncer, du coup, vers l'avant-poste proche. Ouais, de fuir, ouais. D'utiliser la ceinture d'astéroïdes pour partir. Maintenant, moi, je suis pas pilote, donc c'est avoir les plus habilités à savoir manœuvrer les vaisseaux aussi. Moi, je peux piloter. Ouais, mais c'est avoir d'expérience si on est en possibilité de fuir une frégate maintenant, en sachant que nos moteurs étaient à l'arrêt, qu'il faut les relancer, ainsi de suite. Ah, mais on leur tire dessus, et on leur une sorte de tir de couverture, et on en profite pour fuir. Est-ce que je peux tenter un coup de bluff et discuter avant avec l'autre pour nous faire gagner du temps? Tu peux, mais tu vois qu'ils foncent à grande vitesse et qu'ils sont bientôt à portée de tir. Ouais, ils veulent rien savoir, de toute façon. On tire et on décolle en même temps. C'est vous le capitaine, après tout. Je dis au Vulcan de nous couvrir, donc d'ouvrir le feu, et nous, on fonce. On démarre les moteurs. Alors, le Vulcan est équipé de canons de défense rapprochés. Il peut qu'éviter les torpilles et pas forcément tirer dessus. Ah, et nous, on pourrait avec le Picus. Oui, tu as un artilleur pour ça. Ok, donc j'ordonne au Vulcan de partir devant, et nous, on couvre leur départ en tirant. Ouais, que le Vulcan reprenne sa route pour livrer la cargaison prévue, mais qu'il parte, qu'il se désengage. Et nous, on se démerde. Vous le couvrez, quoi. Oui. Pour faire les jets d'artillerie, Echo, je laisse la main sur la fiche de Catri, et c'est toi qui pourras faire les tirs avec combat à distance, qui sera la compétence pour faire les tirs avec l'artillerie, étant donné que j'ai l'impression que ton personnage ne peut peut-être pas participer à ce combat-là. Ouais, ok, c'est ça. D'accord, ça marche. Oui, si maintenant ils veulent négocier, alors je reprendrai la main avec Christopher, sinon je gère Catri pour l'artilleur, ça marche. Le Vulcan 4 qui commence à bien faire chauffer les moteurs, et Nico a dû mettre le jus parce qu'il décolle à grosse vitesse. C'est à ce moment-là qu'il y a des torpilles qui sont lancées du Cybele, et c'est à vous de jouer. Bah, on esquive les torpilles. Alors, le combat se fait comme à l'époque des vieux combats de chevaliers, c'est-à-dire que ça se fonce, et disons qu'on peut pas esquiver les combats comme à la Star Wars ou Star Trek en faisant des gros trucs. Vous subissez une gravité, des choses comme ça, qui, si jamais vous voulez faire des loopings, vous laisseront mort directement. D'accord. Donc pour esquiver les torpilles, les seuls moyens, c'est d'utiliser les canons de combat rapprochés pour pouvoir les détruire. Et c'est celui qui va lancer les torpilles qui va arriver à bien se positionner par vos autres. J'ordonne de lancer les torpilles et de déclencher les combats rapprochés pour... Par contre, la seule chose qu'on peut faire, on est d'accord que on est toujours dans cette ceinture d'astéroïdes, on peut manœuvrer au travers pour, entre guillemets, utiliser les astéroïdes comme sorte de couvert aussi. Ce qu'on appelle ceinture d'astéroïdes, c'est quand même un espace assez relatif. Ouais, tu peux essayer de les gérer à couvert. Après, il va falloir que notre capitaine soit très très bon dans les vecteurs d'approche en termes de pilotage. Bah, y a pas de soucis, ça. Ok. Bien, je vous laisse, capitaine, faire votre premier lancer de dés, s'il vous plaît. En pilotage, donc. En pilotage, bien entendu. J'ai pas de bonus. Non. Je tente. Vous avez déjà obtenu un bonus parce que vous avez trouvé la réponse. C'est un succès. Et ça suffit. Un simple succès te permet de trouver les bonnes manœuvres et donc de commencer à vous mettre sur une trajectoire d'interception pour pouvoir péter les torpilles. Parfait. Ingénieur, médecin, artilleur, que souhaitez-vous faire ? Je sais pas, aider le canonnier au pire, au tir, quoi, j'en sais rien. Ouais, tu veux essayer de quoi ? De calculer des vecteurs d'approche de torpilles qui soient pas possibles d'être défendus par les canons CDR en face ? Ouais, par exemple, ça c'est pas mal ça, ouais. Soit je te laisse le faire par de l'observation, soit par de la comtech. Plutôt de la comtech. Donc tu te reposes beaucoup sur les ordinateurs de bord, tout ça. Je vais lancer des programmes de calcul, tu vois. Enfin... Un petit succès. Artilleur, ça te donnera une possibilité de lancer un des deux plus lors de ton tir. Ok. C'est un tir de combat à distance pour ça ? Ouais, tout à fait, ouais. Ok, bah je suppose que si on a les vecteurs, si on a la bonne manœuvre, on va directement balancer les torpilles selon les calculs faits par Philips. Ouais, tes torpilles qui sont parties. Tu vas d'ailleurs me faire un deuxième test, s'il te plaît, sans des bonus. Pour les canons CDR, pour éviter que les torpilles vous touchent. Médecin, que souhaites-tu faire ? Ah, je peux pas faire grand-chose en dehors de suivre la bataille. J'essaye de voir ce qui nous entoure, peut-être sur les écrans de contrôle, en termes d'environnement, entre guillemets. Enfin, s'il y a effectivement des proches d'un astéroïde, il y a quelque chose qui peut nous tirer de là. Peut-être essayer de trouver les stations les plus proches ou quoi, sur, je sais pas, s'il y a des cartes locales. Et si, par contre, oui, je peux effectivement tenter ça. Vous êtes à peu près un jour de navigation d'une station du nom de Cérès. Un jour. Il y a les alarmes qui retentissent, qui vous donnent tous un point de stress. Et vous êtes sur vos sièges, couchés, étant donné que vous êtes sous l'effet du jus. Vos mouvements sont lents, étant donné que vous êtes là sous le coup de 2-3G, c'est difficilement supportable. Toutefois, les canons CDR ont bien été programmés et arrivent à péter les torpilles. Et bizarrement, l'une de vos torpilles a trouvé une trajectoire d'interception, arrive à taper le vaisseau, alors que la deuxième passe à côté et file au fin fond de l'espace. Le Cybele, vous pouvez le voir sur vos écrans, qui est touché, qui commence légèrement à entrer en rotation à 360 degrés, à subir des trucs. Visiblement, vous auriez touché quelque chose qui soit proche du moteur et qui demandait une sorte d'arrêt d'urgence du moteur. Vous filez donc à toute vitesse en direction de la station, précédé par le Vulcan 4. Et vous recevez un message, guidé par vaisseau Lasercom, du capitaine Adé Akintola, qui te regarde, Willis, et qui fait « Koyo, je vais te retrouver. » Et la prochaine fois, tu verras, c'est moi qui te détruirai. C'est ça, Cabron, dégage. Tu coupes la communication, je suppose. Oui. Votre trajet se poursuit sans encombre, et juste avant d'arriver sur la station de Cérès, il y a un message qui se diffuse sur toutes les fréquences, et il y en a qui sont réémis par la station Cérès. Vous voyez le visage d'un homme brun et une fine barbe apparaître sur un écran et dire « Je m'appelle James Holden, et mon transport commercial Canterbury vient d'être détruit par un vaisseau de guerre doté d'une technologie avancée. Cette unité militaire apparaît avoir certains éléments constituants frappés de numéros de série appartenant à la flotte martienne. La transmission des données suit. » Et vous avez tout un tas de données concernant une torpille qui aurait détruit un vaisseau de transport de glace, et vous arriverez à Cérès. Ok, donc clairement c'est le Picus qui a détruit ce vaisseau et volé le matériel. Oui. Et nous nous arrêterons là. Ok. Ah, donc, Riley, tu as bien entendu trouvé... Oui, le jeu. L'univers. Oui. Était-ce un jeu, un univers, une série, un film, un livre? Ah, j'avais trouvé aussi, ah. Mais j'ai pas dit. Ah, moi j'ai pris mon point de pilotage vers 21h47. c'était The Expanse, la série. Ouais. Mais il y a un jeu de rôle aussi. Ouais, il y a tout en fait sur The Expanse. À la base, c'est un roman, jeu de rôle qui est devenu une. Enfin, c'est une partie de. En pote de jeu de rôle, okay, vidéo, un roman, non, et qui a été adapté après en série, une série qui, bizarrement, quand on lit les romans, met beaucoup de détails à l'écran. Une série qui a malheureusement été arrêtée par Amazon à partir de la saison 6. Les longues conversations qu'il y avait entre Yann et toi sur le, on pouvait imaginer que c'était ça avant même que le jeu commence. Mais... Ah oui. Mais bon, personnellement, je connais pas ni la série ni les livres. Enfin, je connais de nom, mais j'ai pas jamais. Je crois que j'avais commencé à regarder le premier épisode, je crois, mais j'ai pas poussé. Ouais, en fait, l'univers est tellement particulier, ce qui se dit à l'intérieur en termes de contexte politique, de choses, que c'est très très difficile. Là, c'était un gros exercice d'arriver à se poser pour pouvoir faire quelque chose dedans. J'ai trouvé quand t'as dit le mec qui était très grand et tout. Je me souviens, parce que j'ai vu les deux saisons, je pense. Ah oui. Parce que c'est un contexte assez réaliste, il me semble, dans la série. Enfin, le parti pris, c'est d'être assez, ouais, assez réaliste dans l'approche, justement. C'est ça. Cohérent, en tout cas, avec la physique. En fait, ouais, ça part d'un principe où on reste dans la hard science. Et à un moment, il y a un élément qui arrive, qui est purement SF, qui est une molécule, qui permet de faire des choses qui sortent... C'est ça, ouais. Et ce qu'il y a d'assez impressionnant, parce que moi, je suis un grand fan des livres, en fait, même si j'ai trouvé que l'adaptation... était une très bonne adaptation, même si bon, bah, y a toujours des choses à redire. Hein. Oui, toujours. Hein. Dedans, t'as beaucoup de politique, t'as énormément de... Enfin, t'as grosso modo un truc qui touche à la protomolécule, un livre qui touche à la protomolécule, un livre qui touche à la politique. Je crois que c'est l'un des meilleurs types de worldbuilding que j'ai pu voir dans ma vie. Les auteurs, ils ont été très très bons dans le fait de... Tu découvres petit à petit l'univers, mais à chaque fois, tout est cohérent. Et rien n'entre pour contredire ce qui a déjà été fait avant. Oh, c'était chouette. Hein. C'est chouette, oui, mais après je m'attendais pas à ce que ça, forcément, ça passe en une soirée, c'est vrai qu'on en avait pas parlé en fait. C'était un peu l'idée, parce que là ce que je vous ai fait, donc j'ai honteusement triché un scénario du livre de base. D'accord. Ouais. Voilà, on hésitait, parce qu'on a beaucoup parlé avec Yann sur tout ça. Bah, Yann, tu savais, du coup, tu jouais. Oui, oui, moi je savais, j'étais complice. C'était si jamais vous dériviez beaucoup ou pour, bah, tu vois, les trucs avec la combinaison, le patch, les choses comme ça. Savoir des petits éléments dans l'univers qui vous permettent de donner des indices pour vous en sortir. Parce que visiblement, en fait, dès que tu sors dans l'espace, si t'es pas habitué, tu peux crever beaucoup plus facilement que sur du Alien. Mais c'était cool de jouer avec vous, en tout cas. Ouais, c'était un bon univers, une bonne équipe. Ça, c'est bien fait. Merci chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous avons joué à The Expanse, un jeu de Green Running Publishing, édité en français par Black Book Edition, et le scénario joué était Mission Récupération. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à bientôt sur la JDR Academy.